Bonsoir tout le monde et bienvenue dans les rubriques de jeu. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Histoire de fans de comics. Je ne sais pas pourquoi je viens de le dire avec ce ton si grave, tu vois, comme si on était dans un fait entré l'accusé ou capital, comment il s'appelle, de la ville entière, je ne sais plus comment il s'appelle. Ce soir, on va parler d'alcool, de drogue et de pute. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai l'immense plaisir de recevoir Landry. Comment tu vas, mon lapin ? Ça va très très très très très très très bien. Je suis trop content de pouvoir déjà faire une vidéo avec toi. Et comme on l'a dit en... Oh, c'est discussion. Non, oui, c'est ça, c'est une discussion sans ton. Oh, il est viré. Mais non, mais en vrai, premier degré, je suis très très très content de pouvoir discuter du coup avec toi. Et encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui te remercie. J'aurai l'occasion de le redire un petit peu à la fin, parce qu'il y a toujours une bonne raison pour laquelle j'invite une personne. Généralement, c'est parce que je l'aime bien, hein, parce que si je l'aime pas, passer 2 heures avec lui, ce sera pas confortable pour personne, ni pour lui, ni pour moi, c'est pas la peine. Mais il y a toujours une bonne raison, et j'aime bien le dire en fin d'émission. Je tords un tout petit peu, en fait, le concept de mon émission qui s'appelle Histoire de fans de comics, où normalement, en fait, à chaque fois, je reçois un fan de comics, mais format papier, pour évoquer avec lui, en fait, son parcours de lecteur, tout ça. Mais les personnages de comics et les personnages de... On va plus parler de Marvel ce soir. Enfin, je pense, on parlera surtout de toi, mais j'ai plus axé mes questions autour de Marvel, ce qui me semble pas illogique pour l'instant. Oui. Hein, jusqu'ici, je n'aurai pas un grand secret. mais j'ai trouvé que c'était très très cool en fait de le faire avec toi, au-delà de la personne que tu es. Mais parce que justement, les personnages de comics, s'ils ont trouvé en fait naissance en fait dans les pages de papier, ils ont eu, est-ce qu'on peut dire, une deuxième jeunesse, une deuxième vie même carrément, depuis quelques années au cinéma. Avec des hauts, des bas, etc. On aura l'occasion certainement d'en reparler dans cette petite soirée. Mais je trouvais que c'était hyper intéressant de pouvoir discuter avec toi, qui est pour moi le symbole vivant et ultime de fan du MCU, tu vois. Ouais. De fan de connaisseur, vraiment. De passionné et de passionnant. Bah, merci beaucoup. Et en fait, sans aucun scrupule, j'ai tordu mon truc pour pouvoir passer une soirée avec toi, et voilà. En vrai, premier degré, quand tu m'as proposé, j'étais vraiment très content, et en plus, du coup, de voir que tu changes même le format de ta vidéo pour moi, en vrai, premier degré, ça me touche beaucoup. Je sais pas pour te déflatter, vu que ça te flatte, mais c'est, j'aime bien, si tu veux, que l'idée que le concept, peu importe, si tu veux, le cadre en fait du truc, ça s'adapte en fait aux gens. Ça m'embêterait pas du tout de faire une histoire de fan de comics avec quelqu'un qui serait ultra fan de vélo, tu vois, un truc que ce ne serait plus histoire de fan de comics, mais ce que j'aime bien, c'est avoir l'opportunité de discuter, tu vois, avec des gens que j'aime bien. Et qui sont intéressants ou font des choses hyper intéressantes, qu'ils soient connus, pas connus, à la limite on s'en bat les couilles. Comme des fois, tu vois, j'invite juste des lecteurs, ils n'ont pas forcément une chaîne où il y a un gros succès, ou enfin, tu vois, c'est pas le nombre d'abonnés en fait qui fait la valeur des gens, ni du propos, exactement, ni etc. Voilà. Et sinon, les premières questions, généralement, alors c'est toujours un peu délicat, mais parce que c'est le début, mais moi, je voulais savoir comment t'en es arrivé, en fait, à créer cette chaîne YouTube, avant de parler de ton enfance, un petit peu tout ça, parce que j'aurais peut-être quelques petites questions dessus. Léger. Mais comment t'en es arrivé, en fait, à créer cette chaîne YouTube et avec tous ces formats, enfin, voilà, comment ça a commencé, Landry, et pourquoi Landry? Alors, pourquoi Landry, c'est une anecdote en vrai assez nulle, mais en gros, j'étais dans mon lycée, tout simplement, et j'avais un groupe d'amis avec qui on faisait du rap, où en gros, on créait des prods un peu nuls exprès, mais justement pour faire du rap un peu, à l'époque, Fatal Bazooka, tout ça un peu remodelé. Donc, tu me donnes des choses magnifiques, Civic. Ah oui, non, mais là... Ah non, mais là, ça n'a vraiment aucun sens. C'est-à-dire que, donc, on avait ce groupe-là, Et justement, c'était même une parodie d'une parodie, puisqu'on parodiait un peu Fatal Bazooka, tout ça. Donc moi, mon nom, c'était Fatal Mitraillette. Voilà, te dire le degré d'intelligence du bonhomme à l'époque. Et sachant que j'étais en terminale, j'allais passer le bac cette année-là. Donc voilà, je l'ai eu, heureusement. Mais du coup, j'étais Fatal Mitraillette. Et je me suis dit, non, ça fait par rapport aux autres noms, sachant qu'il y avait des noms, mais ils étaient tous nuls, hein, leurs noms. Il y avait Passotex, Saint-Carles, Gervais. Rien, c'était nul. Mais je trouvais que leur nom était quand même plus sympa que Fatal Mitraillette, où c'était pas trop perso, entre guillemets. Les autres, ils avaient tous un peu modifié un mot qui leur était cher, entre guillemets. Et vu qu'on faisait du rap R&B de l'époque, je me suis dit, et si je regardais le nom d'un rappeur au jour actuel, parce que bah, c'était quand même en 2014-2015, et Fatal Bazooka, bon, ça datait déjà depuis 2006, donc c'était déjà, entre guillemets, déjà has-been. Et je me suis dit, je vais regarder les rappeurs de l'époque. Donc à l'époque, ce qui fonctionnait bien, c'était la section d'assaut, donc avec Maître Ouais. Gims, tout ça. Et il y avait un mec qui chantait de temps à autre avec la section d'assaut, qui s'appelle Dry, je ne sais pas si tu connais. Qui est aussi un rappeur, non, pas de souci. C'est Je me suis un peu arrêté niche. à IAM et au Suprême NTM. Ah oui, non, là, du coup, on est vraiment très très loin de tout ça. Très très loin. Mais du coup, c'était plus de la pop urbaine, même si Dre au début faisait du rap, mais bref. Et du coup, vu que personne, mais alors personne ne l'écoutait à part moi, je me suis dit, bah, c'est un truc perso. Donc, je vais pas prendre Dre comme prénom, je vais prendre son prénom à lui. Donc, je vais prendre le prénom du rappeur. Et il s'appelle Landry. Et sauf que lui, c'était avec un Y. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais être un i. Et vu que aussi, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent pourquoi aussi un point et enfin pourquoi tout en minuscule avec un point, c'est parce que les points, c'est parce que j'adore la ponctuation. Je sais que c'est une passion un peu nulle, mais je mets des virgules partout, des points partout. Et les minuscules, c'est parce que du coup, ça me stresse d'avoir une majuscule quand j'écris un message à la va-vite. Pour moi, les Ah majuscules, ouais. c'est dans des mails, tu vois, ce genre de truc. Et du coup, voilà pourquoi Landry. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que donc j'avais un ami. Du coup au lycée qui s'appelle Pierre-Alexandre, donc c'était Passotex. Et lui, je lui avais dit, un jour, avec Landry, je vais gagner ma vie. Et c'était, je ne savais pas dans quelle forme, mais je lui ai dit, un jour, je vais gagner ma vie avec juste le Landry, parce qu'à l'époque, je m'étais dit, je vais faire un album de rap humoristique. Évidemment, non, ça ne va pas marcher. Et du coup, aujourd'hui, bah, c'est le cas, mais sous une forme que je n'aurais jamais soupçonné, donc c'est vraiment trop cool, quoi. Donc, en tout cas pour Landry le prénom, enfin le nom Landry, donc c'est pour cette petite histoire-là. C'était pas la fac, du coup c'était en terminale. Ouais, donc il y a déjà quelques années, quoi. Ouais, bah ça fait 9 ans bientôt. Enfin ouais, ça va faire 9 ans. Donc oui, c'est sachant que j'ai vraiment eu au cours de ma vie énormément de surnoms pourris que je me cherchais parce que bah je m'appelle Warren et mon père, ma maman, il m'appelle Warinou. Enfin bref, ils avaient des petits noms comme ça. Mais ça, c'est pas fou. Salut, c'est Warinou. Salut, petit loup. Non, ça marche pas. Donc, Warinou, salut les petits loups. peut-être que j'aurais pu faire succès. Pas sûr. Ça sent une autre Et. carrière, tu vois, les comptines pour enfants, tu Oui. vois. Il y a un C'est ça. créneau, gros, hein. Il y a un créneau. Mais. Et du coup, Faut bah, pas en se fait, marrer. là, c'est très deep. Ça, je crois que je n'ai jamais. Enfin, c'est pas un truc de fou non plus, mais j'en ai pas trop parlé. Mais c'est vrai que, bah, du coup, j'ai jamais eu de surnom dans ce style-là un peu particulier, qui sortait un peu de l'ordinaire. Et du coup, je m'amusais à prendre des noms de personnages dans des livres ou dans des séries d'animation que je regardais ou dans des jeux vidéo. Alors, je suis passé vraiment par des noms pourris. J'avais Happy Hippo parce que c'était un jeu DS que j'avais. Je trouvais le nom Happy Hippo rigolo. Donc, je disais à mon père, tu m'appelles plus Warinou, tu m'appelles Happy Hippo. Il m'a jamais appelé comme ça, heureusement, parce que ça n'a aucun sens. Et il y en avait un autre, c'était Pousmousse, parce que c'était un joueur de foot, un personnage dans foot de rue. D'accord. Je sais pas pourquoi, je trouvais Pousmousse marrant. Donc, je me Alors suis dit, moi, quand j'étais appelez-moi comme gamin, ça. Et le personnage Pousmousse, appelé. je crois que c'était une pub pour du savon. Pousmousse, t'appuyer sa mousse, un truc comme ça. Ah ouais, bah non, Alors j'ai jamais vu trop d'inspi. je vais chercher la pub sur YouTube. Je vais voir si je pourrais pas l'insérer à ce moment-là. C'est faux. Il n'y a jamais de post-production. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, gros. Faut tracer. Mais je suis à peu près certain que ça existait, Pousmousse. Et comment t'en es venu à créer ta chaîne? Et pourquoi t'as créé une chaîne? Bah à la base, bah, ça en fait c'est pareil, ça vient de la terminale. À l'époque, il n'y avait pas encore TikTok, YouTube, du coup, c'était un peu le moment où il fallait y être et tout. Et j'ai jamais été trop sur YouTube parce que mes parents, ils voulaient pas trop que je m'expose. J'ai eu un Facebook à l'époque assez tard. C'était même pas mon nom de famille dessus parce que bah, mes parents, ils avaient peur que on puisse me retrouver facilement, adresse, tout ça. Donc, j'ai jamais trop été sur les réseaux sociaux. Et un jour sort une application qui s'appelle DubSmash à l'époque. Je ne sais pas si tu l'as connue. Pas du Elle tout. n'a pas duré très longtemps. Mais en fait, c'était un peu l'ancêtre des lip-syncs que je peux faire aujourd'hui sur TikTok et tout. En fait, ils avaient des audios. Et tu pouvais faire, tu pouvais doubler, enfin doubler, en tout cas jouer la comédie sur l'audio d'une musique, etc., qui était déjà dans le logiciel. Ah ouais, mais c'était pas, non, c'était pas Vine, il n'y avait pas un truc Vine aussi? C'était à l'époque, un peu à l'époque du Vine, mais Vine c'était un format, je crois, carré, 6 secondes et tout. Et c'était plus Ouais. populaire aux États-Unis. Mais là, c'était vraiment, en fait, c'était, oui, ça voulait concurrencer un peu ce côté-là. Et donc, j'ai fait ce genre de petite vidéo. Je les ai mises, vu que j'avais qu'un compte Facebook, je les ai mises sur Facebook, en espérant que peut-être un jour, en fait, je me suis dit peut-être percer, entre guillemets, à l'époque sur ce genre de petits trucs, parce que je sais qu'il y en avait qui l'avaient déjà fait, et peut-être que ça fera rire telle ou telle ou telle personne, et du coup que je puisse me développer de cette manière-là. Et en fait, du coup, au Noël 2014-2015, il y a une de mes tantes qui avait vu les vidéos, et qui en a parlé à mes parents. Du coup, ça c'est un peu un moment assez particulier parce que c'est la première fois que mes parents ont vu ce que je faisais en fait, parce qu'ils le voyaient jamais, parce que on n'en parlait pas, et ça je le faisais que pour mes potes à la base. Et donc ma tante a montré ça à mes parents, et c'est la première fois du coup que je produis quelque chose et que je vois que mon père a le sourire, ça le fait rigoler. Donc je me dis, ah ouais, ok, d'accord, c'est cool. Et après, du coup, ma tante me dit, ah, il devrait se faire une chaîne YouTube, sachant que mes parents, ils voulaient pas du tout que je sois là-dedans et tout. Et je vois que mes parents, ils ont pas l'air d'être contre. Ils sont genre, ok. Ouais, why not? C'est ça. Donc, à ce moment-là, ça a été l'ouverture. J'ai pas encore créé ma chaîne à ce moment-là, mais ça a été l'ouverture pour moi vers les autres réseaux sociaux qui existaient. Je crois que c'est à partir de la fac, parce que j'avais beaucoup plus de temps. J'avais lancé une toute première chaîne YouTube qui s'appelait Landry. Pareil, même écriture, enfin ça s'écrivait pareil. Et c'était une chaîne de podcast. Parce que du coup, c'était à l'époque de Cyprien. Enfin, Squeezie, il faisait pas de podcast, mais c'est Mister V, toutes ces personnes-là. Et ça n'avait pas pris, évidemment, parce que j'étais pas drôle. Et j'ai encore les vidéos d'ailleurs, si tu veux. Je te pourrais t'envoyer au moins une vidéo si tu veux l'utiliser un jour. L'utiliser, non. Non. Je veux voir. Oui, pour l'avoir, pour l'avoir. Tu veux me Mais faire chanter ou... Ah non, mais vraiment, c'était extrêmement nul. Là, si les gens aujourd'hui trouvent que mes vidéos sont nulles, ils sont pas prêts pour ce qu'il y avait avant, parce que c'était encore plus mauvais. C'était mal monté, c'était pas drôle. C'était des podcasts sur le foot, sur la fac, sur j'avais fait les lois américaines. Bref, j'en avais fait plein. Il y en avait plein en plus qui n'étaient pas sortis. J'avais même fait des musiques à l'époque. Mon maximum d'abonnés que j'avais eu, c'était 357. Je m'en souviens parfaitement. C'est bien déjà. Ouais, c'était cool. C'était cool. J'avais fait une vidéo sur la fac qui avait en plus bien marché parce que je sais pas pourquoi elle avait bien marché. Et du coup, j'avais d'abord cette première chaîne et je vois que ça marche pas. Sachant que moi, je m'étais dit, je fais la fac, ok, c'est sympa, mais vu qu'il n'y a pas forcément de débouchés dans les études que je fais. Bon, il n'y aura pas forcément débouché non plus dans ce genre de vidéo, mais je me suis dit, peut-être que, sachant qu'il y a des youtubeurs qui gagnent leur vie en faisant de l'humour comme ça, peut-être que ça peut aussi m'arriver, je ne sais pas. Donc, mais j'ai abandonné l'affaire, je me suis concentré plus sur les études, notamment sur la première année de fac. Je crois que c'était la deuxième année, deuxième semestre, je me suis dit, entre la deuxième et la troisième année même, je me suis dit. En vrai, il y a Thor Ragnarok qui sort parce que c'était du coup 2017. Ragnarok venait de sortir son premier trailer, etc. Je me suis dit, je vais lancer une chaîne secondaire à cette chaîne du coup qui était ma chaîne principale du coup Landry, qui s'appelle Landry parle comics, qui est aujourd'hui la chaîne que j'ai. Donc à D'accord. l'époque, la chaîne que j'ai, c'était ma chaîne secondaire. Oh putain la vache. Ah, Ouais. c'est elle qui a percé quoi. Ça a mis le temps, ça a mis énormément de temps, mais ouais, c'est du coup c'est elle qui me permet aujourd'hui de m'acheter. Des Funko Pop. Du coup, voilà comment je me suis lancé sur YouTube. D'abord des podcasts, ça n'a jamais pris. Et en fait, du coup, oui, c'était parce que j'avais envie. C'était surtout ça, c'est parce que j'avais envie de pas de. Parce qu'en fait, quand j'avais lancé les podcasts, c'était pour faire rire, mais c'était aussi pour me dire, ça va marcher. Sauf que c'est pas comme ça. Enfin, j'ai pris le truc sous le mauvais prisme, je pense. Ouais. Et j'aurais plus dû le prendre dans, je le fais pour moi. Si ça plaît, ça plaît. Si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Et quand j'ai lancé du coup cette chaîne-là, je me suis dit, je vais m'adresser à des personnes que je ne connais pas. Parce que là, la plupart des gens qui regardaient mes podcasts, je les partageais, sur YouTube. Donc, c'était mes amis sur YouTube, n'importe quoi. C'était mes amis sur Facebook qui les regardaient la plupart du temps, ma famille et tout. Mais là, c'était particulier parce que je touchais un public qui n'était pas du tout en lien avec mon côté personnel. C'est un peu un saut dans le vide, ça. Exactement, ouais. Parce que, en fait, le truc, c'est que j'étais fan de Marvel, mais j'avais personne pour en parler. Donc, je me suis dit, si je peux pas en parler avec des proches, par médias interposés, est-ce que je pourrais pas en parler avec des inconnus? Et peut-être que même les inconnus qui regarderont les vidéos ne peuvent pas non plus en parler eux de leur côté tout seul, enfin tout seul logiquement oui, mais avec leurs proches. Et du coup, c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne-là. Désolé, pardon, c'est très très bon. Tu rigoles, c'est très bien. C'est très bien. Et alors, question qui n'a rien à voir, que je n'avais pas forcément noté, mais qui me vient comme ça. Là maintenant, c'est ton métier, c'est ton travail, depuis déjà un petit moment. Sache que... Bon, c'était hier, mais c'est quasiment l'anniversaire de mon auto-entreprise parce que je l'ai lancé le 4 janvier 2021. Donc ça fait 3 ans aujourd'hui. Oh, 3 ans déjà, putain la vache. Ben, joyeux anniversaire. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, je peux te retourner la question? Oui, moi aussi. J'ai gagné moins de 300 euros depuis le début de ma chaîne. Donc comment toi, tu as eu l'idée de lancer ta chaîne YouTube du coup? Est-ce que de base, c'était des vidéos sur les comics? Est-ce que tu avais envie de parler de surtout de des je sais plus comment vous dites les deux gros mastodontes d'ici Marvel, je sais plus c'est le terme, je connais plus les Big Two. Les Big Two, est-ce que tu avais l'envie de parler que de ça? Est-ce que tu avais là je vois que tu te en plus tu te comment on appelle ça? Tu te diversifies, j'allais dire commercial. Je serai toujours là pour toi, pour t'aider. Merci bien. Moi je serai dans le coin. Bah, du coup, tu te diversifies avec le vélo et avec les sports de combat. En vrai, qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à lancer cette chaîne et qu'est-ce qui t'a motivé même à parler d'autre chose? Comment dire, avant, dans une autre vie, j'ai participé à une chaîne YouTube. Rien à voir. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Bref. Okay. Voilà, mais ça m'a énormément, ça m'avait énormément plu, parce que du D'accord. coup, c'était pour, on va dire, entre guillemets, le milieu associatif. Et j'avais un peu la responsabilité, si tu veux, de tout ça, d'écrire les vidéos. J'ai dû, entre guillemets, me débrouiller pour apprendre le montage, pour écrire, structurer une vidéo, enfin, tout ça, quoi, si tu veux. C'était au tout début en fait de Dailymotion, ensuite on est passé sur YouTube et j'ai adoré ça. Au bout d'un moment, c'est un peu l'associatif, si tu veux, des fois c'est un peu compliqué. J'ai pris du recul pour finalement partir complètement de cet univers-là, mais néanmoins j'avais adoré ça en fait. De faire des vidéos, se retrouver devant une caméra, et plus que de se retrouver devant une caméra, de prendre la parole en public, parce que du coup j'ai eu l'occasion de prendre plusieurs fois la parole en public, et j'avais vraiment vraiment aimé ça, parce que je trouve que c'est un exercice qui est super intéressant, et j'avais envie de faire ça, si tu veux, mais tu fais pas une chaîne sur rien, tu fais pas une chaîne parce que tu as juste envie de parler, enfin, c'est complètement fou quoi. Et en même temps, si tu veux, ça revenait vraiment fort fort fort en fait dans ma vie, le fait de pouvoir recommencer à lire des comics, à en lire, à m'y intéresser. C'était un peu une partie que j'avais pas arrêtée, mais si tu veux, que j'avais mis un petit peu de côté par manque de moyens, par manque de temps, enfin voilà, tu vois. Et à un moment donné, j'ai dit tiens, est-ce que je pourrais pas tenter le coup? Et vu que je suis d'un naturel, on va dire, assez, on va dire, timoré, si tu veux, pour ce genre de choses, au début, j'ai essayé dans un groupe Facebook, mais ça m'a permis, si tu veux, de commencer un petit peu, de me mettre le pied à l'étrier. Et après, je me suis dit, tu vas créer, en fait, ta chaîne. Et ce que je voulais, le nom Les Rubriques de G, c'était vraiment, en fait, j'avais envie dès le début, si tu veux, d'utiliser les rubriques, les playlists, en fait, pour pouvoir avoir des playlists qui correspondent à des parties de mes passions, des parties de mon univers. Donc, d'accord. C'était pour ça, les rubriques de G. Okay. Mais si tu veux, moi, j'ai commencé vraiment avec les comics, mais avec l'idée, l'envie, si tu veux, de pouvoir me diversifier sur d'autres sujets, des trucs qui, moi, me passionnent, tu vois. Et assez rapidement, bah, j'ai pu aller, tu vois, chez lescomics.fr, qui à l'époque était vraiment un gros truc, tu vois, de vidéaste. Enfin, c'était vraiment un putain de truc. C'était une machine de guerre dans notre milieu à nous. Hein. Voilà, c'était vraiment un très, très gros truc. Et donc, bah, je me suis concentré à mort sur les comics. Et puis après, bah, c'est compliqué de te dire... de parler d'autre chose, t'as peur et tout. Et puis, oui. Puis au final, maintenant, j'en ai pas rien à faire, si tu veux. Mais je me dis qu'il y a peut-être pas mal de gens qui me suivent aussi pour moi. Enfin, pas pour moi. Enfin, oui, peut-être qu'ils acceptent en fait de m'entendre parler de différents sujets. Et puis au-delà de ça. Je m'en fous après, tu vois, moi, c'est l'important, c'est de me faire kiffer, en fait. C'est tellement génial, les possibilités sont tellement gigantesques avec une chaîne YouTube que j'ai pas envie de me priver de quoi que ce soit. Ça fonctionne, c'est bien. Ça fonctionne pas, ça plaît pas à l'algorithme YouTube, je m'en fous. C'est pas... j'ai fait long, hein, moi aussi, hein, putain, désolé. Non, c'est hyper intéressant. Et voilà, en fait, comment ça a commencé. Mais je te dirais... Entre quatre yeux, les bêtises que je faisais il y a longtemps maintenant, il y a plus de 10-12 ans. Mais c'était très très bien, c'était très très marrant, très formateur. Dis donc, mais il m'a fait perdre mon fil. Désolé, en fait, je voulais te retourner la question, désolé, je crois que je t'ai coupé. Non, mais tu rigoles, c'est cool. Et si c'était ça que je voulais te demander. Tes parents, ils en pensent quoi, du coup, du fait que ce soit ton métier? Est-ce que ça les fait flipper pour l'avenir? Est-ce que... Moi, je suis papa. Après, je suis un vieux papa poule, mais ça me ferait peur. Ah, je comprends totalement. Moi aussi, ça me ferait très, très peur que mes enfants fassent ce que je fais aussi. Alors, j'ai pas d'enfants encore, mais quand j'en aurai, ça me ferait peur. Enfin, ça me fera peur, plutôt. S'ils le font, du coup. Mais mes parents, en vrai, ils ont... Bah, comme je t'ai dit, ils étaient très réticents en plus aux réseaux sociaux, mais je pense qu'ils ont vieilli avec leur temps. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu des parents qui étaient trop loin de la technologie. Ma maman, si. Ma mère, elle, c'est pas vraiment utiliser la télécommande. Donc c'est un peu. Non mais c'est vrai, c'est même pas une blague. On est obligé. Enfin, un peu moins maintenant. Là, c'est vrai qu'avec depuis quelques mois, ça, elle prend le pli, elle arrive et tout. Et en fait, ils vieillissent plutôt. Oh, pitié, clip ce morceau et envoie-leur, mais pitié. Ça vous promet des dimanches en famille géniaux. Mais ils vieillissent avec leur temps. Moi, mon père, il a toujours été, tu vois, dans le... bon, YouTube, il n'était pas trop à l'aise, mais les nouvelles technologies, bah, il est fan d'informatique, d'électronique, ce genre de choses. Donc, toutes les consoles, on les a eues, les derniers jeux, on les a eues, voilà, parce qu'il se tenait un petit peu informé de tout ça. Et bah, du coup, oui, quand YouTube s'est arrivé, en fait, eux, à l'époque, du coup, ils n'avaient pas forcément le recul nécessaire. C'est-à-dire que moi, quand j'imaginais un jour marcher sur YouTube lors de ma première chaîne, j'imaginais des 100 000, 1 million un jour en termes de vues. Mmh. Alors que eux, bah, ils n'ont pas du tout la même vision de la chose. Pour eux, 100 vues à l'époque, c'était énorme. Et pour, en fait, ils se sont dit, bah ouais, il fait quand même 100 vues, il fait quand même 1000 vues. Alors qu'aujourd'hui, en vérité, c'est peut-être aujourd'hui, peut-être que c'est moins compliqué qu'à l'époque, je ne sais pas, je ne pourrais pas comparer les deux époques. Mais en tout cas, ils n'avaient pas forcément ce recul-là de se dire, bah en fait, oui, c'est vrai, si on se dit qu'une vue, c'est une personne, c'est énorme. Mais à l'échelle YouTube, c'est vraiment microscopique ce qu'on peut faire, nous, sur la plateforme. Donc, ils n'avaient pas ce recul-là. Mais tu te rends compte que tu as quand même 100 000 personnes, pas loin, pas encore, bientôt, qui, ont, à un moment donné, se sont dit, tiens, je vais m'abonner à lui. Ça fait bizarre un peu. Ça fait très bizarre parce que le Camp Nou, c'est combien? C'est même pas 100 000, le Camp Nou. Le Camp Nou, je crois que c'est 80 000, 90 000. Ah, peut-être 100 000, peut-être un peu moins. Avec les connards autour du stade qui font des snacks. On va dire. T'imagines, t'as un Camp Nou plus les parkings, les stadiers, enfin la famille quoi, autour, qui à un moment donné, il y a un Camp Nou, attention, hein, soir de Real de Madrid. Ah, oui. Hein. Ah, bien sûr. On parle pas de Barcelone-Elche, non, ça ne nous intéresse pas. Là, on reçoit pas Saragosse, là, que ce soit bien clair. Mais t'imagines, il a quand même 100 000 qui, à un moment donné, se sont dit, tiens, je vais suivre ce mec-là. Ça fait c'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Et c'est énorme. En vrai, je m'en rends même pas compte. Et c'est vrai que de plus en plus, parce que bah, là, actuellement, en plus, je suis dans une période où je fais beaucoup, beaucoup de vidéos. Et bah, ça ramène forcément un petit peu plus de gens qui m'auraient pas forcément découvert sur tel ou tel sujet. Et donc, ils s'abonnent et tout. Et c'est vrai que bah, quand je me réveille, je vois, admettons, 5 personnes de plus. Mais du coup, ça en devient un peu, comment dire, je les dématérialise, entre guillemets, parce que pour moi, ce ne sont que des chiffres. Alors qu'en vrai, si je prends du recul, et je le fais quand même, évidemment, je me dis, ah, il y a quand même 5 personnes qui se sont dit, ok, cette petite vidéo sur Godzilla Minus One, sympa, je vais m'abonner. En vrai, ça me touche beaucoup parce que pour eux, c'est juste un clic, mais ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un. Et justement, pour en revenir à mes parents qui ne se rendaient pas du tout compte de ça, eux, ça a été très compliqué au début. En fait, ça allait crescendo. Ça a commencé avec le cinéma parce que vu que j'ai fait des études dans le cinéma, de base, en fait, je me suis trompé sur APB, les admissions post-bac, je m'étais trompé dans mes vœux. Et donc, je suis allé dans la mauvaise école. Enfin, pas la mauvaise école, mais dans la mauvaise filière. J'ai voulu faire du journalisme et tout. Et donc, mes parents, ils m'ont dit, bon, il y a un peu de journalisme quand même dans ton truc et tout. Et moi, vu que je déteste perdre des années, donc de me dire, je fais ça, mais vas-y, l'année prochaine, je fais autre chose. Je déteste ça. Je préfère, si je le fais maintenant, je continue. Et vu que j'ai eu ma première année de cinéma, bah, j'ai continué, j'ai fait 2-3 ans encore. Et après, j'ai fait master. Mais j'étais, eux, ils étaient dans l'optique de, il va devenir journaliste. Et pour eux, journaliste, c'est un peu, entre guillemets, la vieille époque. Et vieille époque scolaire, pardon, c'était genre, bah allez, toi, tu peux faire ce que tu veux quand t'as un bac S. Ce qui est totalement faux, puisque là où je me suis retrouvé à la fac, j'étais à côté de quelqu'un qui était en ST2S ou STI2D, bref, dans une filière beaucoup plus technologique, et on était au même endroit. Donc aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Mais encore une fois, ils n'ont pas forcément cette même vision-là, puisque bah, eux n'ont pas grandi avec notre époque, les réseaux, etc., tout ça, toute l'information, même la manière dont ça évolue aujourd'hui. Donc ça a toujours été un peu... pas compliqué pour eux, mais justement, ça m'a permis de faire un peu mon truc en secret. C'est-à-dire que moi, je m'étais dit, ils m'ont toujours fait confiance, mes parents, mais peut-être que la confiance sera encore plus grande quand ils vont se dire, ah oui, quand même, il a tant de personnes. Mais en fait, vu qu'ils n'ont pas le même recul que moi, puisqu'ils ne sont pas sur les réseaux, pour eux, 100 personnes, c'était énorme déjà. Là où, encore une fois, aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Donc, ça n'a cessé d'évoluer. De journalisme, c'est passé à cinéma. Et cinéma, c'est passé à créateur de contenu. Et ça n'a cessé d'évoluer de cette manière-là. Et je pense qu'aussi, mon stage de fin d'études, qui a été fait, que j'ai eu énormément de chance d'ailleurs de tomber sur ce... Je vais peut-être pas forcément les citer, mais en gros, j'ai travaillé dans un média pop culture. Et là aussi, du coup, le fait de faire des vidéos de manière professionnelle, peut-être que ça les a conditionnés dans « Ok, donc là, ce qu'il a fait pour pas s'amuser, mais pour par passion, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent le payer pour faire ce qu'il fait. » Il y a des débouchés. C'est ça. Et même s'il n'y en a pas beaucoup, mais eux, du coup, dans leur vision, c'était « C'est possible ». Et du coup, ça a été tout un cheminement qui a été naturel, que je ne m'attendais pas à avoir de la part de mes parents, parce que, bah, encore une fois, à l'époque, je ne pouvais même pas avoir de Facebook. Et aujourd'hui, mon métier, c'est sur YouTube. Donc, c'est là où c'est assez intéressant, même la manière dont ils ont évolué, et ils m'ont fait aussi évoluer par la suite. Et puis, parce qu'il y a un moment donné... Enfin, je peux me tromper, hein, parce que moi, mes enfants, ils n'en sont pas encore là, tu vois, mais comment dire, je vois avec mon grand, tu vois, qui est juste en sixième, si tu veux, tu fais très attention, tu essaies de cloisonner beaucoup de choses et tout pour essayer, tu vois, de le garder dans des rails qui, moi, me semblent, on va dire, bonnes, sécuritaires, si tu veux, pour lui. Mais je sais pertinemment qu'à un moment donné, déjà, c'est pas lui rendre service, c'est pas lui rendre service, si tu veux, sur du moyen, sur du long terme. Et à un moment donné, tu fais pas des enfants pour toi et, oui, frérot. Vis ta vie, quoi. Enfin, c'est à un moment donné, il faut que tu expérimentes, que tu te casses la gueule, tu te relèveras. Ils sont, les enfants, ils sont, c'est comme ça. Il faut le faire. Tu peux pas les surprotéger. Mais puis je pense que tu vois, ça a été ça aussi certainement à un moment donné. C'était, bah, écoute, de toute façon maintenant, peut-être t'es grand, quoi. On t'a donné un cadre, des bases. Moi, c'est ce que je me dis, tu vois. C'est essayer de donner, on va dire, un cadre, des bases, essayer d'être leur donner non pas des méthodes de travail, parce que je n'ai pas les capacités de pouvoir leur donner des méthodes de travail à l'école et tout, c'est pas mon délire, mais pouvoir leur donner au moins le sens du travail, l'abnégation, le fait de devoir bosser, ce tu veux ça, tu peux aller le chercher, mais il y a du travail derrière, donc fais, bosse, tu peux tomber, mais si tu tombes sans travailler, là c'est un véritable échec, tu vois. Si tu tombes alors que tu as fait de ton mieux, tu as appris quelque chose, c'est pas grave, ça te resservira toujours un moment ou un autre. Exactement. Mais puis à un moment donné, écoute, faut bien qu'ils s'envolent, quoi. C'est souhaitable, on fait pas des enfants pour nous. Et c'est un truc que m'a toujours dit ma mère, tu vois, et elle a raison, en fait. En fait, quand tu fais un gamin, tu te fais kiffer, parce que ouais, t'as un enfant et tout, machin et tout, mais en fait, tu le fais pas pour toi. À partir du moment, c'est même plutôt le contraire, c'est tu appartiens à ton enfant plutôt que l'enfant t'appartient. C'est beau. C'est un délire, c'est de la merde. Non, c'est génial. Franchement, c'est super. Non, mais oui. Ça, en plus, mes parents, ils me le font bien, bien ressentir, le côté de, bah, en fait, oui, c'est ta vie. Et comme tu l'as dit, le côté échec, etc., eux, ils n'ont jamais vu, bah, admettons, si je fais une vidéo qui ne marche pas, ils ne vont pas le voir comme un échec. Bien au contraire, parce qu'ils savent que toutes mes journées, quand je suis chez moi, je les passe ici, parce que je ne fais que travailler. Alors, pour beaucoup, ce n'est pas forcément du travail, mais ça demande un peu de temps quand même. Je me couche, y a des métiers beaucoup plus compliqués, hein, bien sûr, beaucoup plus compliqués, j'ai pas du tout à me plaindre, mais c'est vrai que je fais des horaires assez étranges et tout, et du coup, bah, pareil, dans la vision de mes parents, parce qu'ils sont pas là H24 à être sur mon canapé à regarder ce que je fais, donc eux, enfin quoique, maman, ça va, mais du coup... ça aurait été exceptionnel qu'elle passe une tête. Et ben, oui. C'est bien ce que vous faites. Oh, merci. Oui, ils n'ont pas ce recul-là parce que, par exemple, à chaque fois que je descends le soir, ils me disent « bon courage ». Sauf qu'eux ne savent pas que peut-être que juste je vais jouer, en fait, ou je vais faire un live et tout, parce qu'ils savent très bien que, même si c'est du jeu, même si c'est de faire des vidéos sur tel ou tel sujet, un film, pour eux, peut-être que ce n'est pas du travail pour beaucoup, eux, ils savent que j'ai tout donné, vraiment, j'ai donné énormément pour en arriver jusqu'ici. Et je continue aujourd'hui à le faire pour encore plus évoluer par la suite, en tout cas, je l'espère. Et du coup, ils m'ont accordé une confiance folle. Tu te vois comment dans 5 ans ? Oh. Déjà avec une plus belle barbe, j'espère. C'est mort. Oui, c'est fini. C'est fini. Si à ton âge, j'ai pas fait, c'est mort. On n'aura pas mieux. En vrai, dans 5 ans, bah, j'espère que j'aurai mon appartement ou ma maison. J'espère, encore une fois, on peut pas savoir... j'espère ne pas forcément être encore chez moi d'ici là, mais si je n'ai pas forcément le choix, bah, ça sera comme ça. Mais voilà, j'espère avoir un appartement, d'être stable financièrement, d'avoir des gens qui m'aiment, avec un amour bien évidemment réciproque. Et je m'imagine heureux, comme aujourd'hui en fait, mais juste avec un... Parce qu'aujourd'hui j'ai tout ce que je désire, on va dire. À force de travail aussi, parce que ça ne m'est pas tombé dessus quand même. En fait, oui, ce que je veux, là où je me vois dans 5 ans, c'est comme ça, mais avec un autre décor, tout simplement. Et bien sûr, avec la personne avec qui je suis actuellement, avec qui je pourrais potentiellement vivre, etc. Et la continuité du coup de la vie, quoi, tout simplement. J'aime la vie. Attends, putain, c'était qui ça ? Attends, me dis pas. C'est Jean-Claude Van Damme ? Ah putain, oui, c'était lui. Merde ! Dans 30 ans, il n'en aura plus. Comment tu veux enchaîner avec des types pareils qui, qui finissent avec des Jean-Claude. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est un aspect. J'ai pas forcément coché le truc, mais t'aimes beaucoup jouer. Hein. Là, t'aimes beaucoup, beaucoup jouer. La comédie Ouais. Oh, c'est sympa, en vrai. Ah oh, ouais, t'aimes ça. Moi, je te le dis. Oh, si, coquin, t'as l'œil qui frise quand tu joues, je le vois. si, t'aimes beaucoup et t'es vachement doué en plus. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Non, sans déconner. Voyez, moi je sais plus laquelle c'était de vidéo. Et c'est plus, peut-être que tu l'avais déjà fait et tout, tu vois. Mais je sais plus ce que c'était. C'était une nouvelle. un peu salé, tu vois, ce genre de vidéo qui te donne envie, tu vois, de cliquer, de oh, fais voir ce qu'il va dire, tu vois. Et je me rappelle de toi, je sais plus pourquoi, mais c'était tout con, hein, tu vois, mais où tu te lèves, tu vois, tu te mets derrière ta chaise et où tu. C'est pas que tu joues la comédie, en fait, tu vis la vidéo, tu vis la situation, mais tu vois, t'es un peu dans le surjeu, mais le bon surjeu, si tu veux. Mmh. Et tu m'avais fait mais péter de rire, je disais, mais ce mec est complètement à la ramasse, quoi. Et je trouve que ça. Il y a cette folie, comme je me rappelle plus, je sais plus la vidéo, mais où la vidéo elle commence, où t'étais en fait caché derrière ton meuble. Oui, là, si. Mais oui, et en fait, je t'ai remis en arrière, il y avait juste ta tête comme ça. Tu te dis, mais il est capable de tout. Mais au-delà de ça, t'aimes bien jouer la comédie et tout. J'aime bien. C'est peut-être des trucs qui peuvent peut-être te faire envie pour plus tard. Bah, j'irais pas. En vrai, je pense pas avoir la prétention d'avoir le talent nécessaire. Je pense que. En fait, le truc, c'est que j'ai aussi. Je suis quelqu'un de très. Enfin, un peu moins aujourd'hui, mais j'étais très timide quand j'étais petit. Je le suis toujours aujourd'hui. Enfin, je vais pas parler à n'importe qui. Mais quand je joue la comédie, en fait, c'est parce que je suis tout seul ici. S'il y avait quelqu'un à côté, j'aurais pas la facilité et le côté naturel de jouer la comédie. C'est un peu paradoxal, mais j'aurais pas ce côté-là. Là, c'est parce que je suis tout seul, je peux parler, je peux crier un peu, je peux être moi-même, du coup. C'est aussi pour ça que je comprends les gens qui pensent que je joue les réactions quand je... Mais pour le coup, bah, comme tu l'as dit, en fait, je le vis vraiment, le truc, parce que en vrai, quand je parle, et en fait, c'est devenu un automatisme, c'est que je vois même plus la caméra. C'est-à-dire que je parle, et il y a même des moments où je me dis, mais là, c'est marrant, je vais garder l'objectif. Mais là, par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais, je me suis dit, mais quand je vais lui répondre, comment est-ce que je vais faire pour lui répondre? Est-ce que je vais regarder l'objectif parce que je l'ai fait tout à l'heure? Ou alors, est-ce que je te regarde toi ici? Je ne sais pas du tout. Et du coup, en fait, j'ai toujours été, je mets un peu le côté un peu professionnel, technique, un petit peu de côté, et juste, je suis moi. En fait, par exemple, il y a le actuellement, bon, je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, mais là actuellement il y a le trailer d'une série qui est sortie. J'aurais très bien pu faire la vidéo parce que cut et faire un autre moment, parce qu'en fait à un moment donné j'ai oublié le nom d'un personnage. J'ai mis dans ma vidéo une minute à le chercher. Alors c'est aussi de la facilité parce que j'avais pas forcément envie de reprendre le moment de le cuter, ok, mais c'est aussi le côté de bah, en fait c'est naturel, en fait je me souviens plus du prénom, je l'ai trouvé évidemment, enfin je l'ai regardé sur internet, mais du coup j'aime bien ce côté un peu naturel, mais aussi jouer la comédie, parce que enfin jouer la comédie ou en tout cas essayer de faire un peu grossir le train à l'échelle. Mais ouais, mais c'est ça le truc. Ben oui, mais c'est ça en fait qui est marrant. Tu sais, moi je trouve que c'est comme quand tu es en soirée avec des potes ou avec des membres de ta famille, tu vois, qui connaissent un petit peu ton humour et tout, qui l'apprécient, et que tu grossis un peu le trait, tu vois, ou comme pour prendre notre ami en commun, Anto, je le pratique depuis déjà un petit moment, et je sais les trucs qui le font rire, si tu veux. Et donc, si à un moment donné, dans la conversation, à live, peu importe, même si on est que tous les deux au téléphone, j'ai moyen, si tu veux, de lui glisser une petite pièce, tu vois, pour le faire rire en grossissant le trait et tout, bah ouais, moi, je m'en prive pas. Et je pense que, tu vois, sur ça, on a un peu la même manière de fonctionner en vidéo, tu vois, c'est pas surjouer, c'est pas exagérer, c'est enjouer, c'est jouer de cette partie de nous-mêmes, tu vois. Et c'est pour ça, je regarde pas beaucoup les trailers réactions. En fait, je regarde par exemple si Oz il va faire une réaction sur une bande annonce d'Aquaman, je vais regarder parce que c'est spécifique à lui, que je le connais et tout. Mais toi, j'aime bien regarder parce que je sais qu'il va y avoir du naturel, mais aussi ce petit plus, si tu veux. Voilà, c'est pour ça. Et je pense que de toute façon, on va pas se tromper. Hein, s'il y a des milliers de personnes qui te suivent, c'est pas simplement parce que tu donnes des news, c'est pas vrai. Non, mais enfin. Merci beaucoup. Non, mais c'est la vérité. Enfin, c'est à un moment donné, donner des news, il y en a plein qui le font, tu vois. Mais il y a la manière de le donner. Il y a évidemment comment on appelle ça, Tu vois, tout à l'heure, tu en parlais en disant que c'est beaucoup de boulot. Les gens, ils ne se rendent pas forcément compte, mais moi, je vois juste ce que ça représente comme taf pour faire les quelques vidéos que je fais. Et quand je vois le taf que tu fais, les propos que tu tiens, la construction, en fait, si tu veux, les connaissances que tu accumules sur lui, il a fait ci, lui... Oh, putain, vraiment, c'est un boulot monstrueux, les mecs. C'est un boulot monstrueux. Et ouais, je vous le laisse bien. Hein. Je vous le laisse bien parce que oh, non, c'est un bordel à gérer. Hein. C'est vrai que c'est pas facile du tout. Ah non, non, et tout le monde peut pas le faire, clairement. Ça, mais Warren, quand il était petit, il aimait quoi? C'était quoi ses passions quand il était enfant, ado? Oh, le foot. Ça, c'est le foot. Ça, c'est clair. Le PSG, notamment. PSG, mais PSG un peu secret. C'est-à-dire que ça, je l'ai rarement dit, je crois. Mais en gros, mon papa, il a toujours été pour le Paris Saint-Germain. Parce que bah, on a grandi en région parisienne, on vient du 93 et tout, donc on a toujours baigné un peu dans ce football francilien. Et et du coup, j'ai vu que mon père était pour le Paris Saint-Germain, moi j'ai essayé un peu, tu vois, d'être un peu différent entre guillemets. Donc j'ai toujours été pour le Paris Saint-Germain, secrètement au début, parce que je voulais pas que mon papa le sache, parce qu'en fait j'aimais bien le côté de, bah moi je vais supporter une équipe qui contre la tienne, comme ça, ça peut être, tu vois. Mais je ne l'ai jamais vraiment dit. Je lui ai dit, là, quand je lui ai vraiment dit que j'étais pour le Paris Saint-Germain. Mais à l'époque, j'ai été pour Lens. Au tout début, en plus du PSG, j'étais pour Lens. Je me souviens d'un... Alors, je pense que j'étais en primaire, mais je me souviens très bien. Parce qu'il y avait Christophe, qui était le directeur de la garderie dans laquelle j'étais, qui, lui, était pour Auxerre. Et il y avait eu un Lens Auxerre. Lens avait gagné 7-0. Je m'en souviens très bien. Oh, putain. Ouais. Après, Lens s'est passé. Et j'étais pour Saint-Etienne, du coup, les Verts, tout ça. Frédéric Piquionne, Ilan, Jérémy Jeannot, Jérémy Clément, bref. Alors, j'ai pas connu la grande époque. Moi, c'est toute l'époque où j'étais abonné, moi, au stade. Ah ouais? Ouais, j'ai même fait quelques déplacements et tout. Incroyable. Bah, moi, je suis allé une seule fois à Geoffroy Guichard. Mais tu sais que moi, la ville et tout, Saint-Etienne, le club et tout, j'en garde un souvenir mais incroyable. Vraiment, pour moi, c'est une des plus belles villes que j'ai vues dans ma vie. Oui, du coup, je sais. Coupe. Mais je pense que c'est parce que j'ai mon regard d'enfant là-dessus. Parce que pour moi, c'était, je vais voir les Verts. En plus, c'était Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain. Et je me souviens. Alors, un peu, pas un moment gênant, mais en gros, mon papa, il avait fait les choses bien. On avait de très très bonnes places. On était en loge. Je ne sais pas comment c'est possible. On était en loge. Et en gros, on était juste derrière les bandes. Voilà. Et il y avait un joueur qui s'appelle Emmanuel Rivière qui jouait. Bien sûr. Qui avait à l'époque les cheveux longs. Qui avait les cheveux longs, exactement. Qui après a fait Toulouse, Monaco. Il est parti à Newcastle. Et lui, je l'aimais beaucoup comme joueur. Et à un moment donné, moi je l'ai applaudi et tout. Je lui ai fait un pouce. Et je suis sûr qui m'a regardé et qui l'a fait un pouce. Alors, dès qu'il faisait un pouce à la foule, non, il le faisait à moi. Donc, il m'a fait un pouce, OK ? Après, ce qui était trop cool, c'était que, du coup, les places qu'on avait, c'était des places un peu VIP. On a pu voir des célébrités de l'époque. Du coup, l'entraîneur, c'était Camboiré. Donc, j'ai fait une... En plus, j'avais... L'entraîneur de PSG, ouais. Ouais, il était l'entraîneur. J'avais une allure dégueu. C'est-à-dire que j'étais... Tu sais, moi, j'ai toujours été tout petit. Et j'étais tout petit avec une énorme doudoune. Donc, on voyait que ma doudoune avec ma petite tête qui est comme ça, à côté d'Antoine Camboiré. J'ai fait une photo avec Dimitri Payet à l'époque parce qu'il était dans le groupe. Et avec Laurent Paganelli parce que il était au bord du terrain et vu qu'il a joué à Saint-Etienne, il est toujours un peu attaché, je pense, au club. Donc, il était en plus là. Et c'était vraiment des moments trop, trop bien. Mais du coup, ouais, j'étais pour Saint-Etienne. Après, j'étais pour Rennes. Mais j'ai toujours été, par exemple. Ah oui, non, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Pour Rennes, vous êtes trois en France. Alors voilà, j'avais 5 abonnés du côté de Rennes, je viens de les perdre. Mais ouais, mais en fait, au derrière, ça a toujours été le Paris Saint-Germain parce que je l'ai vu au travers des yeux de mon père, parce que je le voyais, j'aimais les joueurs qu'il aimait. Par exemple, c'est un peu bête, mais quand lui me disait « Ah, tu vois ce joueur-là, là ? » Moi, je l'adore. Après le match, je jouais à FIFA et j'achetais le joueur qui m'avait dit qu'il aimait bien. Alors que le joueur était peut-être nul dans le jeu, hein. Peut-être que je perdais des matchs. Mais vu qu'il m'avait dit que lui, il aimait bien, j'achetais le joueur pour jouer avec lui. Et non, c'était. Bah, en fait, c'est moi, c'est le foot, les moments avec mon papa et tout. Parce que avec mon papa, on n'a pas beaucoup d'atomes crochus, entre guillemets. Enfin, il aime bien la pop culture, mais pas autant. Alors, sache que ça, je l'ai quasiment jamais dit à personne. C'est pas qu'on n'en a pas beaucoup, mais on en a moins qu'avec avec ma maman, je pense. Et le foot, ça c'est notre truc. C'est moi, quand je regarde un match de foot et que je suis pas avec lui, je suis pas très bien. Alors, parce que du coup, on les regarde tout le temps. Là, le match, il y a eu un match Paris Saint-Germain-Toulouse. J'ai pas pu le voir avec lui. Et du coup, j'étais un peu genre, bah, on débrief après le match. Mais voilà. Du coup, C'est génial d'avoir ça. c'est trop bien. Là, pour le coup, c'est vraiment un truc qui m'a transmis. On a beaucoup de points en commun. Hein, c'est pas, voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça qui vers lequel, enfin, qui m'a vraiment conditionné aujourd'hui au fait que bah, je sois fan de foot, quoi. Avoir une passion en commune avec son père, franchement, c'est vraiment un truc. C'est vraiment, vraiment un truc. Et tu vois, c'est drôle, enfin. Mon papa est plus là depuis quelques années. Évidemment, il adorait Saint-Étienne. Et son deuxième club de cœur, c'était le PSG. Le PSG, c'était le PSG, quoi. C'était, voilà. Pourquoi? Je peux pas mieux te dire, mais je me rappelle en fait de lui qui nous laissait. On habitait dans un tout petit appartement et tout, et il nous laissait en fait la télé du salon. Il y avait une petite télé 33 cm dans la cuisine. Il avait des fois, tu vois, débranché en fait le décodeur Canal Plus pour le mettre à la cuisine, et tout seul dans la cuisine, il se faisait ses matchs. Il hurlait, notamment quand c'était avec Rai, tout ça, Djorkaeff, tu vois, Rocheteau? Non, non, Rocheteau, c'était bien avant. Ah bon? Ah oui, au moment de la Coupe d'Europe, ils ont gagné une Coupe d'Europe, Ah, du coup, le d'accord, genre PSG. l'année 94, La Coupe des Coupes? 80... Oui. Ouais, je crois que c'était 93, 94. 94, 95, peut-être. C'est après Marseille, c'est sûr et certain. Et Marseille, c'était 93. Donc, c'était peut-être 96 ou une connerie Oui, comme ça. je crois que c'est ça, je crois que c'est Avant la Coupe du 96. Monde. Oui. Et voilà, enfin, ouais, c'était des trucs comme ça. Et moi, l'autre truc que je partageais beaucoup avec lui, le vélo, le Tour de France, Roland-Garros, ça, c'était des institutions, clairement. Et les matchs de boxe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de MMA, tout ça. C'est mon frère et moi qui lui avons fait connaître à l'époque après le MMA. Et les matchs de boxe, Tyson, voilà, tous ces trucs-là, où mon père, soit il dormait pas le week-end, il faisait nuit blanche, en fait, pour se rester debout pour regarder le combat à 5-6 heures du mat. Soit il montait son réveil, on lui demandait de nous réveiller, et je devais avoir 10-12 ans, que mon père il acceptait, si tu veux, de nous réveiller, de dire le combat il va commencer de Tyson. Et c'était une époque où généralement les combats de Tyson ça durait 2 rounds, quoi. Tu vois, tu te levais pour 6 minutes de combat, mais c'était voilà. Et on hurlait parce qu'on était des psychopathes, parce qu'on Mais était je des suis psychopathes. pareil, c'est exactement la même chose avec mon père. Je me souviens d'un match, c'était aller-retour Ligue des Champions 2013-2014, Paris Saint-Germain-Chelsea. On avait gagné 3-1, je crois, à l'aller. Non, je ne sais plus comment ça se passait. Non, je crois qu'il y avait eu égalité, égalité. Il y avait encore la règle du but à l'extérieur qui te permettait de gagner, de passer. Et je me souviens, match retour, Zlatan se prend un rouge, donc on est dès le début du match, donc on est dégoûté. Et à la toute fin, il y a David Luiz qui met une tête et Thiago Silva qui met une tête aussi. Et il y a 2-2 et on est qualifié là-dessus. Mais on a crié, on a réveillé ma mère et tout parce qu'elle dormait. C'était ça, pour le coup, c'est mon meilleur moment avec mon papa, parce que c'était fou. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que je lui transmets pas ma passion pour Marvel parce que c'est grâce à lui que je connais Marvel. Mais Ah ouais? c'est vrai que ouais, c'est mon papa qui m'a fait. Tu me parleras de ça après. Bien sûr. Mais tu vois, c'est assez particulier en plus la manière dont c'est arrivé. Mais du coup. Aujourd'hui, bah, vu qu'il a envie de me soutenir d'autant plus, bah, déjà c'est lui qui m'a construit tout ce que j'ai derrière moi. De base, c'est un sous-sol, tout ce qu'il y a de plus classique, des briques partout, bref, c'est lui qui a tout construit. Donc ça, je pourrais jamais le remercier parce qu'il a fait un travail de fou et il l'a fait pour moi parce qu'il sait que c'est ma passion, que c'est et qu'encore une fois, ils n'avaient pas encore le ça. Pour le coup, c'est ça, je les ai pas un peu douillés là-dessus, mais pour eux, à l'époque, quand il m'a créé le décor, j'avais 3000 abonnés. Et pour eux, c'était oh, putain, mais il a 3000 abonnés, faut qu'il ait un décor. Et non, c'était pas la peine, mais du coup, c'est arrivé quand même. On lui loue un studio dans la tour TF1, je veux pas le savoir, Milo. J'en sais pour lui. Bon, c'est que 3000. C'est que 3000. Mais oui, il m'a construit le décor et je pourrais jamais assez les remercier parce que du coup, enfin, assez le remercier parce que il a tout fait de ses mains. Je sais même plus ce que je disais là, tellement. Si, c'était que Tout ça c'était pour moi que qui lui Eddie te le transmette ma vole passion. régulièrement sur ses fonds verts, quoi. En plus, En en plus. plus, c'est un fou, c'est un fou. Heureusement, c'est Eddie, hein, c'est un amour. Mais du coup, ouais, aujourd'hui, c'est moi qui transmets un peu la passion que j'ai. Alors, ils ont toujours regardé les films Marvel avec ma maman et tout, ou avec mon papa. Mais par exemple, toutes les séries Marvel, je les regarde avec ma maman. C'est moi qui lui fais découvrir. Je les regarde, les épisodes dès qu'ils sortent. Là, en plus, aujourd'hui, on a regardé l'épisode 2 de la saison 2 de What If. Bah, mon papa, lui, je sais, et ça me touche beaucoup parce que bah, avant, il l'aurait peut-être pas fait parce que bah, ça ne l'intéressait pas spécialement, mais il le fait aussi pour me soutenir. C'est-à-dire de regarder. Des vidéos et tout, et maintenant, même des fois, il me sort des trucs que j'ai dit en vidéo, mais vu que j'en fais tellement et que je les programme à l'avance, je sais même plus ce que c'est, donc des fois, j'ai pas forcément la ref et tout. Donc, ils ont vraiment des soutiens, mais incroyables. Et je suis vraiment très chanceux parce que j'ai pu connaître hein, des gens qui n'ont pas forcément eu des parents aussi géniaux que les miens, mais moi, je sais que enfin, j'aurais jamais pu rêver mieux, vraiment, et je pourrais jamais assez les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est beau. On va rester sur ça, on va finir l'émission là-dessus. Non, pas du Ça tout. marche. Non, mais c'est super important. Et c'est super important aussi d'être reconnaissant, tu vois. C'est important. Mais c'est cool. Et en même temps, c'est. Enfin, oui, c'est normal. Enfin, enfin, oui, c'est normal comme c'est normal d'être honnête, si tu veux. C'est toujours normal, mais c'est bien de. C'est pas tout le monde qui le fait, quoi. Tu vois, d'accompagner, de se plier en quatre pour que ton gamin il puisse vivre sa passion. Et franchement, c'est balèze. Ah mais c'est ce qu'a fait mon père. Alors ma mère aussi, hein, puisque ils sont tous les deux, ils ont tous les deux mis de l'argent aussi, ils m'ont énormément aidé. Encore une fois, là par exemple, le mur qui est là, c'est mon père qui l'a construit, il n'y avait pas de mur là. Là c'est vraiment la continuité du sous-sol. Tout ce qui est là, le placo et tout, c'est lui qui l'a installé tout seul. En plus, j'ai vraiment été un peu, pas capricieux, mais j'ai vraiment un peu poussé pour avoir mon décor parfait. C'est-à-dire que j'ai un mur beige, un mur bleu, parce que je voulais avoir des murs. Non, mais vraiment, j'ai deux couleurs de bleu là-bas, parce que je voulais un mur qui était bleu comme Pixar, parce que j'ai un décor animation. J'ai un décor D'accord. Marvel, donc je voulais du bleu foncé, parce qu'à l'époque, Squeezie avait un bleu comme ça, je le trouvais super beau. J'ai du beige, j'ai du. Là, ça se voit pas, mais ça, c'est du gris. Et là, j'ai du rose pour Thanos, parce que j'avais les pierres de l'infini juste derrière, et je voulais que ce soit un mur uniquement sur Thanos. Et mon père, il a dit, au début, il a dit, tu veux combien de couleurs? Il s'attendait à ce que je dise une, je lui ai dit 5. Il m'a dit non. Et après, dans le magasin, du coup, bah, mon père, il veut toujours nous faire plaisir à ma soeur et moi. Et je le vois qu'il me regarde, il appelle ma mère, il dit, bon, on prend les 5, hein, c'est bien ce qu'on avait dit, parce que du coup, il me faisait marcher, il savait très bien comment c'était, et du coup, voilà. Mais c'était vraiment. Ils ont vraiment tout fait pour moi, et je pense que même en 1000 vies que je peux faire actuellement, là, enfin actuellement non, mais si je peux vivre, si je pouvais vivre 1000 existences, j'aurais pas assez de temps pour leur dire merci, parce que ils ont vraiment fait beaucoup, beaucoup pour moi, et ils le font encore constamment. Et je peux que les remercier, que ce soit mes parents, même ma sœur aussi, et évidemment. Les proches Clarkson Fuchs et même vous qui contribuez à ça aussi, à mon bonheur quotidien. Si, parce que vraiment, tout à l'heure, je sais plus si je te le disais en off ou là, mais en vrai, je sais que je rate pas un seul de tes lives. Je J'en suis fais un pas par tout. mois. Mais non, mais je suis là. Je suis là. Alors, j'étais juste pas là pour le match. Oh, il l'a séché! Oh, il Oh l'a séché! putain. J'étais pas là. Mais c'était à revivre. C'était fou. Mais alors, juste, je sais que je fais une mini aparté, mais t'as dit que c'était une discussion, du coup, Fais-toi voilà. plaisir. Je me Oh non, permets de te dire. discussion, ça fait deux fois, Oh, pardon. discussion. Mais alors, sache que j'étais avec Sébastien quand t'as fait le live avec Eddie. Ouais. Et je vais sur YouTube parce que je suis en voiture avec lui. Je regarde, rubrique de jeu en live, je me dis. En vrai, premier degré, je me suis dit, il y a un bug. Parce que je vois, il y a écrit 1,7K Ouais. en streaming. Je me dis. Ok, je clique dessus, je vois les messages qui défilent et tout, et j'ai compris que c'était parce que vous regardiez le match. Et je me suis dit, il est fort. Il est trop fort. Et le premier, avant même de me dire que tu étais fort, le premier truc que je me suis dit, c'est mérité. Parce que Non, pas du tout. c'est vrai. Alors peut-être que pour beaucoup, c'est pas grand-chose, peut-être que pour beaucoup, c'est énorme. Moi, je trouve que c'est mi le minimum syndical que tu mériterais parce que. voilà, je vais attendre la fin pour te dire tout ça. Mais voilà, juste pour te dire que c'était vraiment super et je rate aucun live, même quand je suis pas là dans le chat, gentil. Parce que je t'écoute, mais je travaille en même temps. C'est gentil. Mais tu vois, cette soirée, des fois, je te jure, tu as toutes les étoiles qui s'alignent et tu le sais pas en fait. La veille ou l'avant-veille, je fais une histoire de fan de comics où je dis demain, je vous le dis, on va regarder un combat de MMA. Je me doute, on va être moins de 10. Mais si jamais ça vous dit, on va se faire ça et tout, tu vois, machin sympa. J'étais avec Eddie, que j'adore tout particulièrement. Pareil, pour tout un tas de raisons, surtout du fait que c'est un mec extraordinaire, des passions en commun et tout. Et on décide en fait de lancer ça. Et au tout début du live, tu vois, je vois, avant de lancer le live, je vois qu'il y a déjà des commentaires, tu vois, dans le chat en direct. Et tu te dis, c'est le premier signe, tu te dis, putain, c'est pas commun, quoi. C'est pas commun. Et en fait, c'est malheureux, mais c'est pas que c'est. C'est une escroquerie, oui et non. En fait, c'est un malentendu. C'est-à-dire que la plupart des gens venaient en mode est-ce que vous diffusez le combat ? Oui. Et non, malin. Bien sûr que non, je diffuse pas le combat. T'as cru que j'étais RTL9, frérot ? Jamais ! Jamais ! Bien sûr que non, je diffuse pas. Ma chaîne va sauter comme un popcorn si je diffuse. Non, non, on va juste commenter et tout, tu vois. Mais il y a quand même plein de gens, du coup, qui sont quand même restés, tu vois, pour vivre le truc, en fait, avec nous. Mmh. Et c'était incroyable. Et dit, le fait qu'il y ait le décalage entre nous, et puis ce combat qui dure en 9 secondes, c'est-à-dire que d'un bout à l'autre de la soirée, c'était incroyable. Et c'est dommage, tu vois, qu'on n'ait pas le chat privé qu'on s'envoyait, parce que en fait, tu relisais le chat privé, c'était, putain, on est 100, c'est n'importe quoi, bordel, on est 200, ça ne s'arrête plus. Mais c'était une soirée de barjot et ouais, c'était génial. Et la dernière fois, bah pareil, tu vois, avec Saladin Parnasse, alors c'était un petit peu moins, mais c'était super cool à faire, à vivre, à commenter en direct. Et en fait, c'est le genre de conneries que YouTube, en fait, peut te proposer. C'est-à-dire que moi, jamais de ma vie, je serais commentateur sportif. J'ai jamais rêvé de ce genre de choses. Mais en fait, et puis j'ai pas la prétention de l'être, mais tu t'essayes de vivre ce truc-là, de le faire vivre en même temps aux gens, tu vois. Franchement, putain, c'était top, quoi. Oh, on a une chance avec ces outils-là qui est merveilleuse. Et s'il y a des gens qui ont envie de faire des trucs sur YouTube, regardez pas en fait si ça va vous rapporter de la thune, des abonnés ou peu importe. Foncez, faites-vous ce beau cadeau. Vous en avez envie, kiffez votre truc. Vous avez envie de parler de macramé, de water polo, de Marvel, de ce que vous voulez. Franchement, faites-vous plaisir. Du moment où vous le faites avec passion, avec sincérité, quoi qu'il arrive, vous serez récompensé. De fait, peut-être pas de la manière dont on peut l'attendre ou l'espérer, mais il y a forcément à un moment donné quelque chose à en retirer. Totalement. Putain. Non, mais dans ton sens, c'est vrai. Mais c'est vrai en vrai, parce que toi, je vois le travail que tu fais. Tu vas me dire que tu fais pas forcément autant de vidéos que tu voudrais, mais au-delà de faire des vidéos, en plus, toi, tu as une vie de famille, tu as un travail, etc. Donc, c'est encore plus de taf autre que ça, et ça c'est peut-être ta pastille, et quand tu vois que ta pastille entre guillemets de positivité en plus de tout ce que tu as à côté explose, c'est encore mieux, et tu je dirais pas que tu profites encore plus, ça te met, je pense, alors je veux pas parler en ton nom, mais en tout cas moi ça m'était déjà arrivé un petit truc comme ça, ça met un peu plus de pression, tu te dis ok, je suis un peu plus vu, en plus c'est du direct, du coup c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est, je te jure, c'est tellement mérité. Parce que tu, dans ce que tu dégages dans tes vidéos et tout, notamment une en particulier que j'avais vu que tu avais fait sur ton fils, qui était qui était incroyable. Je crois que je l'avais regardé et je t'avais même envoyé un message, si je ne dis pas de bêtises. Oh, on en avait parlé après, ouais. Parce que c'était vraiment c'est fou, c'est fou de voir une personne. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on peut tomber sur des, je vais pas dire de gros mots, mais des abrutis, et on peut tomber sur des petites perles comme toi, en vrai. Parce qu'on s'est pas beaucoup parlé, mais comme... déjà sur une belle perle. Non, mais c'est vrai. Si, tu la tomberas pas dans une huître, mon pote. Je te le dis tout de suite. C'est sûr, c'est pas... Mais tu sais quoi, je te fais cette blague, je suis sûr que si Eddie nous écoute, il a dû se la dire aussi, il a dû se dire... Il a déjà préparé le commentaire, en fait, et là, il est en train de l'effacer, là, actuellement. C'est bien possible. Non, mais c'est vrai, en tout cas, voilà, en tout cas c'est totalement mérité. Mais voilà. Dis donc, hey, ça fait. Putain, on en a des choses à se dire. On a toujours. Alors, avant de parler de Marvel, je savais donc que tu avais fait des études de cinéma et j'en ai supposé que tu étais un fan de cinéma. Au sens. Non. Pas du tout. Très bien. Donc, alors, mais, si tu veux, je peux expliquer, si tu préfères. Ouais, dis-moi. En gros, comme je te l'ai dit, en fait, de base, il y avait APB. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est aujourd'hui, c'est Parcoursup. En gros. Ouais. Et c'est à la fin de ton année de terminale, je crois que tu as une liste de 10 vœux, et en fonction des écoles qu'il y a sur du coup, ce site-là, du coup, ça te dit ok, t'es pris là. Et moi, mon premier vœu, c'était la Sorbonne Nouvelle, donc une école dans Paris. J'avais mis que des trucs dans la Sorbonne parce que je me suis dit ma sœur y est allée. Donc, puisque moi j'étais un peu stressé du chemin, parce que j'habite pas sur Paris, donc il faut que je prenne le train, pardon, il faut que je prenne le métro, le RER, etc. Donc, je voulais qu'elle m'accompagne pour que ce soit plus simple, et vu qu'elle connaissait déjà le chemin, voilà. Donc, je m'étais dit, je vais aller dans cette fac-là. Et en plus, ils font du journalisme, donc c'est parfait. Sachant que mon cousin, avec qui je suis très proche, enfin, j'étais plus proche quand on était plus petit, parce qu'en plus, on avait cette passion commune à l'époque de Marvel et tout, donc ça, c'était très fusionnel, on va dire. Et du coup, ça a fait que on s'est tous les deux inscrits dans l'école. Bon, lui, il n'a pas été pris. Moi, j'ai été pris. Lui, il avait été pris plus à Saint-Denis, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai fait, du coup, cinéma audiovisuel, alors que j'avais mis journalisme. Mais en fait, le truc sur APB, c'est que c'était mon deuxième vœu, le cinéma audiovisuel. Donc, j'avais été pris pour le deuxième. Et mon premier, c'était, c'était journaliste. Et en fait, si tu n'acceptes pas le deuxième, tu ne sauras pas si tu as les autres. Donc, je savais déjà que j'avais le deuxième, mais tu sais pas pour les 8 ou 9 autres que tu avais sélectionnés. Donc, je me suis dit, j'ai le deuxième, je le prends. Sachant que mes parents, eux, s'attendaient à ce que je fasse journaliste, j'ai fait, ça s'appelle cinéma audiovisuel. Et vu que je voulais être journaliste à la télé, donc présenter les JT, et en fait, je voulais devenir commentateur sportif, vu qu'il y avait audiovisuel, ça touchait à la télé et tout ça. C'est ce que je me disais. Évidemment que non. Sauf que mes parents, ils se sont dit, ok. Sachant que eux, entre guillemets, encore une fois, vieille école scolaire, tu dois faire des études scientifiques, du droit. Non, j'ai fait cinéma, audiovisuel, et eux, pour eux, c'était journaliste, donc ça passait. Et encore une fois, du coup, j'ai eu ma première année et tout ça, mais encore je n'y connaissais rien du tout. Parce que moi, je regardais les films, mais que ma maman me montrait, parce qu'elle, elle les aimait bien, qu'on avait en DVD et tout, qu'on se matait, j'aimais les films Marvel, mais de regarder, par exemple, La vie est belle de Roberto Benigni, j'avais jamais vu. Aujourd'hui, je l'ai vu, je le trouve incroyable, mais je l'ai même pas vu pour les cours, en plus. Et je le trouve juste incroyable. Et l'école m'a permis de découvrir un peu cette passion au fur et à mesure. Alors, je suis passionné de cinéma, de plus en plus, j'essaie de me diversifier aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai vu des films à l'époque que j'aurais jamais vu si j'avais pas fait ces études-là, des films roumains des années 60, voilà, j'ai pas forcément, Alors et même des années 2000, désolé, mais je crois pas que j'en ai vu un. Ah, mais en vrai, en plus, c'était très compliqué pour moi, parce que j'étais dans la fac, il y avait que des gens qui étaient calés, en fait, et moi, j'étais là, salut, c'est quoi ton film préféré? Moi, c'est Captain America, le soldat d'hiver, d'accord, et toi? Moi, je pense que c'est vraiment le dernier film d'Agnès Varda. Je sais pas qui est Agnès Varda, d'ailleurs. Elle existe. J'ai déjà entendu ce nom, mais je sais pas si c'est pas dans la mode. Peut-être. Je te dis n'importe quoi, du coup. Je recherche tout de suite, mais... Je vous laisse tout dire dans les commentaires, Agnès Varda. Mais, en tout cas, j'avais aucune culture cinématographique et tout. Ça m'a permis d'en avoir, et en fait, j'ai pu rencontrer des gens dans la fac qui étaient un peu comme moi. C'est-à-dire que eux aussi, ils n'étaient pas forcément dans ce côté-là et tout. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment beaucoup plus investi dans le fait de découvrir des films, pas à l'école, ce qui est marrant. Ça a été plus après mes études, notamment quand j'ai fait mon stage de fin d'études, parce que j'avais fait une énorme pause, même moi, sur YouTube, à ce moment-là, pour des petites raisons personnelles, tout ça. Et du coup, en faisant ce stage, j'étais dans un média qui parlait de cinéma. Donc, eux, ils m'ont proposé énormément de films à regarder. C'est à ce moment-là que j'ai découvert beaucoup plus Snyder, parce que j'avais vu quasiment aucun film de lui. Donc, j'ai découvert Sucker Punch, etc. J'ai découvert des films chinois, japonais, coréen, que je regardais jamais avant, parce que je regardais que des gros blockbusters qui sortaient, parce que nous, à l'époque, vu que le cinéma était bon, on n'y allait pas souvent. Et du coup, on n'y allait que pour des films qui pouvaient plaire à mes parents ou à nous quand on était plus petits, genre Kiki la petite sorcière, les Ghibli, etc. J'ai adoré Kiki la petite sorcière. Il est incroyable, à tous les Ghibli, hein, sauf le dernier, j'ai pas aimé. Je connais pas, je Mais... connais pas. Ah, non, pardon! Mais du Je coup, ouais, suis ça vieux c'est pas, hein. fort. Moi, Kiki la petite sorcière, je devais avoir 25 ans, donc si tu veux. Bah oui, je suis bête! J'avais des histoires de Kiki, tout ça, mais ça n'avait rien à voir, rien à voir. C'était totalement autre chose. Et du coup, j'ai forgé ma culture cinéma plus par moi-même. Et après aussi avec des gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont dit, bah moi j'ai bien aimé ça, bon viens, on va le regarder ensemble et tout. Je me suis un peu plus ouvert à d'autres styles, mais c'est vraiment beaucoup plus, ouais, on va dire, peut-être à partir de 2020 que je me suis vraiment beaucoup plus investi dans. J'aime ce genre de cinéma, le blockbuster et tout, mais il y a d'autres choses. Et les films français, pas que des comédies, enfin plein d'autres trucs qui sont sortis. Et c'est ça qui a plus fait ma culture aujourd'hui, je pense. Hors MCU, après on va parler de Marvel. Promis, parce que je sens bien que les gens ils commencent à ronger leur faim. Ils doivent se dire, ils nous ont tout fait. Le PSG, le parcours scolaire, bordel, les comics. Ça va, 2 minutes? On y arrive. Hors MCU, c'est quoi ton film préféré? Alors, j'aime beaucoup. Attends, je suis en train de réfléchir parce qu'il y en a deux. J'aime beaucoup Le plus beau des combats. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Denzel Washington. Exactement. Exactement sur football américain, à l'ère de la ségrégation. Il est magnifique. Avec l'accident de Incroyable. voiture, Exactement. il est magnifique. Avec la musique nanana, qui. Ouh, ah, Titan. Ouf, Oui. ah, Oui. ah, Incroyable. Oh, j'ai Titan. envie de le regarder encore là du coup. Mais Allez, ce ça part en film-là watch est party. incroyable. Non, toujours pas. Mais ce film-là, je pense. Mais c'est marrant parce que, étrangement, sans vraiment le savoir, il y a du coup ce sont deux films qui parlent du traitement noir américain, enfin J'aurais une afro-américain. question après là-dessus. Et parce que l'autre, c'est La couleur des sentiments, qui, je ne sais pas si tu le connais, C'est c'est pas avec. avec celle de Sister Act? Non, c'est pas Whoopi Goldberg. Non, c'est pas Whoopi Goldberg, Alors c'est c'est pas ça. tu as Viola Davis dedans, Oh, je vois pas qui c'est. qui joue dans Suicide Squad. Tu sais, c'est Waller. Ah ouais? Ouais, Je c'est savais même elle. pas qu'elle s'appelait Viola Davis. Viola Davis. Elle joue dans Murder, elle joue dans Woman's King pour laquelle elle a eu un Oscar, si je ne dis pas de bêtises. Bah, en tout cas, je te la conseille parce qu'elle est très très très très forte. Hein. Je le trouve, elle est incroyable. Même Ah bah elle plus est que forte, super incroyable. forte, c'est la dernière survivante du DCU, donc Oui, c'est vrai. Elle a eu sa série, attends. le boss de fin a écouté jusqu'à preuve du contraire, c'est Amanda Waller, voilà. Vivez avec ça, les Snyder Zoos. Désolé, c'est pour vous, c'est cadeau. Elle a fait La couleur des sentiments avec il y a Emma Stone, il y a Ouais. Bryce Dallas Howard, je sais pas si tu vois qui c'est Gwen Stacy dans Spider-Man 3. Ah ouais, ok. Et ce film-là, pareil, il parle. Alors, je sais plus exactement à quelle époque ça se passe, mais en gros, c'est l'histoire du personnage d'Emma Stone qui va écrire un livre sur comment sont traitées les femmes de ménage noires à cette époque de l'histoire aux États-Unis. Et c'est incroyable. Je vous spoile pas, mais il y a une histoire de tarte au caca. Alors, ça donne pas envie, mais je vous jure que la satisfaction, elle est incroyable. Pas pour ce que vous pensez, mais en vrai, je vous jure que. Enfin, je vous jure, je te vous vois, mais je parle aussi aux gens du coup. Ces deux films. Oh, se tutoyer maintenant. Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème, moi. Mais ces deux films c'est les deux premiers films auxquels j'ai pensé. Vraiment, ils sont vraiment trop, trop, trop bien. Après, je Avec sais des qu'il y en thèmes aura d'autres, mais. en commun, du coup. Aussi, oui. Mais en vrai, sans le savoir, c'est. Mais surtout le film avec Denzel, du coup, Le plus beau des combats, lui, c'est T'as vraiment lui. jamais vu le film Malcolm X? Pas encore. J'ai fait une liste en 2024 de films à regarder. Il est dans ma liste. J'ai regardé, j'ai mis. Même Training Day, je l'ai pas vu. Donc. Putain, Training Day, c'est quoi ça déjà? Je sais plus, je sais juste qu'il est Oh incroyable putain, dedans. si t'en as. Alors, Hurricane Carter. Ok, je l'ai écrit celui-ci aussi. Oh la vache. Il est fort. Oh là là là. Oh là là. Et puis histoire vraie. Truc de ouf avec une musique mais de malade, un film fantastique, vraiment incroyable, une putain d'histoire. Et ouais, c'est... Et puis j'aime beaucoup. Putain, il y a deux films aussi sur Nelson Mandela. Alors Invictus, mais qui est plus sur la Coupe du Monde, même s'il y a eu pas mal de trucs bizarres sur cette Coupe du Monde de rugby que j'ai vu après. Putain, le film sur Nelson Mandela, j'ai mangé son nom aussi, qui est magnifique. Voilà. Et généralement, tout ce qui est sur Nelson Mandela, tout ça, je suis entre guillemets assez client pour comment dire, pour des raisons politiques, hein, on peut se le dire très tranquillement, parce que vraiment, c'est le genre de mec qui, à un moment donné, aurait pu, si ça avait vraiment été un trou du cul, faire en sorte que ce soit un bain de sang en Afrique du Sud. Hein. Vraiment. Hein. Et que politiquement, putain, le mec, il a tendu une main pleine de compassion. De fraternité, tu vois, pour aller, on repart tous ensemble et tout. Alors, tout n'est pas aussi facile que ça, on le voit ces dernières années, bien évidemment. Mais dans l'intelligence, le recul, alors qu'il avait passé des dizaines d'années en tôle, c'est juste incroyable, quoi, avec des amis à lui qui étaient morts. Ça, il a eu une vie horrible, quoi. Enfin, Nelson Mandela, quoi. Sacré personnage. Avec ses parts d'ombre aussi, comme tout un chacun, mais globalement, une leçon de vie, quoi. J'avoue, je l'ai pas vu. J'ai vu que Invictus, mais je l'ai du coup celui l'autre. Hein, du coup, j'ai pas vu d'autres films sur Nelson Mandela. Balèze, vraiment balèze. Bon, alors, comment t'as rencontré Marvel? Grâce à un Power Rangers. Oh non, merde. C'est parti en quoi ici vite cette histoire encore? Non, CG, si tu nous regardes. Non. Du coup, en vrai, c'est vrai, ouais, parce qu'en fait, quand j'étais tout petit, j'étais fan inconditionnel des Power Rangers. Et j'en avais un, en fait, mes parents, ils m'achetaient des jouets. J'étais fan des Power Rangers et de Pokémon. C'était mes deux. Je cherche encore ma carte Lugia. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais si quelqu'un l'a, donnez-la moi, s'il vous plaît. Et du coup, ouais, j'étais fan de Power Rangers. J'en avais un, du coup, qui était gris. Enfin, il était argenté. Il avait un casque de loup et il avait un rond bleu ici. Il avait un genre de petit rond bleu. Et je joue avec, voilà. Et mon père me dit, mais tu sais que lui, il ressemble à un mec que je connais... Enfin, que je connais... Je le connais pas personnellement, mais que j'ai déjà... que je connais, du coup, dans les comics Marvel. Je sais pas si tu connais et tout. Et du coup, moi, je connaissais pas. Enfin, je connaissais les X-Men, Spider-Man, pardon. Ouh là, ouais. Oh là, lapsus, j'ai failli dire une... Oh là là. Cancel. Mais coupe. Du coup, j'avais vu déjà quelques films X-Men et les films Spider-Man. Et mon père me dit, ouais, tu sais, il ressemble à... Il a un petit rond comme Iron Man. Et Iron Man, je ne le connaissais pas du tout. J'étais en maternelle. Peut-être pas maternelle, mais j'étais au CP, CE1, on va dire. J'avais 5, 6 ans, 7 ans peut-être. Et du coup, mon père, il me dit, moi j'ai lu des comics et t'as un mec avec des cheveux blonds, parce que mon père, en fait, lui il adore les personnages Marvel hyper puissants, donc lui il est fan de Hulk et il est fan de Thor, enfin il est fan, pas en comics, en film. Ça va finir l'histoire de fan de comics avec Papa Warren, ça va pas traîner cette histoire. Oh Michel. Mais il aime trop les gros persos bien bien forts qui ont énormément de puissance et tout. Il m'a dit, il y a Iron Man, il y a Thor et il y a Hulk. Et évidemment, je connaissais déjà Spider-Man et les X-Men, mais je savais pas que ça faisait partie du même ensemble. Dis-toi que Blade, j'ai appris que c'était un Marvel quand j'étais au lycée. Parce que pour moi, c'était un film d'horreur. Pour moi, parce que ça, pour le coup, ça, c'est vraiment un film qui m'a traumatisé. Et du coup... j'ai commencé à m'intéresser d'autant plus. Alors, du coup, on n'avait pas, j'avais pas une énorme bourse non plus, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup d'argent pour m'acheter beaucoup de comics. C'était mon anniversaire. J'avais quand même une petite collection à l'époque, mais c'était pas des, tu vois, c'était pas des World War Hulk, c'était pas des, des Civil War, ça s'appelait des incontournables. Je sais pas si ça existe encore. C'était vendu au Carrefour, je sais, ça c'est tout ce que je sais. Je crois voir ce que c'était, mais c'était les incontournables Marvel, c'était dans les kiosques encore, ça, Non? Ah, ça, je sais pas, c'est juste qu'on... C'était dans les carrefours. Mais je te dirais, bah, ça c'est des trucs que pour le coup moi j'ai contourné parce que bah, j'avais déjà pas mal de trucs et tout, donc moi j'étais pas forcément la cible de ce genre de trucs, mais je crois voir ce que c'était avec des numéros sur les dos et en couleur. Exactement. Et avec différentes l'image couleurs, elle était grise avec l'image en, bah, en couleur et un peu brillant. Ouais. C'était un peu lisse l'image des persos. Et du coup, oui, sur le côté, il y avait. Bah, du coup, c'était rangé de 1 à. Je crois que ça allait être peut-être à 11 ou 12, peut-être 10, je ne sais plus. Et je les avais tous. Il y en avait peut-être un qui me manquait. Je crois que c'était peut-être celui sur Daredevil. Mais sinon, ouais, je les avais tous. Du coup, il y a des. C'est marrant parce que du coup, je peux te sortir des petits trucs de comics. Alors, je ne peux pas te donner l'écrivain, enfin, le scénariste, ni le dessinateur, l'illustrateur. Par exemple, je me souviens d'une scène où je lisais le Spider-Man et en fait, je vois juste Spider-Man marcher sur un mur en mangeant une pizza au tout début du comics. Alors, je pense que Anto, s'il regarde cette vidéo, il aura la référence de ce comics-là. Mais il c'est peut tout. Te dire combien il y avait d'olives sur la pizza. C'était une pepperoni. Il l'avait acheté. Et du coup, je l'ai découvert de cette manière-là, sachant que j'ai un oncle, lui, qui, je pense, a tous les comics les plus rares qui doivent exister, je pense. Parce qu'il, par exemple... il habite en région parisienne, si tu veux tout savoir. Là, mais du coup, en fait, lui, par exemple, il a vraiment... Je sais que ma mère, elle m'a dit, mais tu te rends pas compte qu'il a une mallette qui est remplie de comics, limite, qu'il n'a jamais ouvert pour, justement, se dire, j'ai une collection et tout. Alors, il les a lus, hein, bien sûr, mais il faisait vraiment attention à ce que ce soit nickel. Aujourd'hui, dis-toi qu'il collectionne les cartes, c'est pas des cartes Pokémon, mais dès qu'il a des cartes qu'il peut collectionner, il les met dans des petits plastiques et tout, comme moi, je peux mettre des pop dans des boîtes en plastique pour protéger la boîte et tout. Lui, c'est pareil, mais du coup, sur là, pour les cartes Pokémon, ou du coup, à l'époque, pour les comics, et je sais qu'il a des comics qui... je sais pas combien vaut un comics, mais des comics très, très, très, très rares. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. J'ai entendu dire, alors je suis pas sûr de ça, je le redemanderai, mais qu'il a le premier, une version du premier Spider-Man. Le tout premier ? Je suis pas sûr de ça. Non, mais le mieux, c'est que j'ai vérifié moi-même, donc pas vraiment son adresse. Bon. Il me semble pas, que... parce que là il a le premier Spider-Man, là on est sur des millions et des millions de dollars. Ah ouais, donc peut-être pas, non, il habite pas non plus à Hollywood. Ou. Je pense que même si Anto là, Anto le vend. Ah ouais? Ah, mais des millions de dollars. Ah oui, non, oui, si, oui, je suis bête. Oui, non, il a peut-être pas celui-là, mais je sais. Le premier Hulk, tu me dis, je te l'achète 1 million. Et merci, hein. Allez, on reste bons amis, donne-moi le million. Je vais trouver une utilité à ce million. Ah ouais, tu changes de vie et tu fais changer de vie plein de gens. Mais du coup, ouais, je sais qu'il a, en tout cas, il a beaucoup de comics assez rares. Et lui, je me souviens qu'il m'avait acheté... tu sais, c'était des comics, enfin c'est pas des comics justement, ce sont des livres Marvel, et en fait chaque page c'est une illustration comme des premières de couverture de comics, et je me souviendrai toujours d'un nom, c'est comme ça que je le connais, Gabriel Delotto. Oui, dessinateur. Je le connais parce que lui il dessine de manière très très réaliste. Ouais. Et il a dessiné du Surfeur d'argent, des personnages très cosmiques comme Ronan l'accusateur, Drax et tout. Et c'est que comme ça que je le connais, parce que du coup, je le regardais plein de fois ce truc-là, il n'y a que des images, mais elles étaient tellement belles. Il a dessiné aussi, je crois, la torche, à un moment donné, je me souviens d'une image où il y a un immeuble qui vole comme ça. Elle est folle. Et peut-être Alex Ross aussi. Ah ça, je sais, je me souviens juste d'El Auto, parce qu'il y avait le O, apostrophe O, et du coup, je trouvais ça original comme nom de famille. Je me souviens. Ouais, Del Auto, et non, il est assez dingue. Et dans ce style-là, alors, ça va peut-être faire bondir des spécialistes, mais Alex Ross aussi, il a vraiment ce style, pas photoréaliste, mais très réaliste, quoi. Mm-hmm. Et limite peinture, enfin, c'est même c'est réaliste, c'est même compliqué de dire ça. Il y a un côté très réaliste, mais ça fait vraiment plus que des pages de comics, t'as plutôt envie de les encadrer et de les mettre dans un musée, contre un mur, tu vois, pour les. C'est d'autres genres de talents, voilà. C'était vraiment super beau et tout. Et à tel point que, bah, du coup, les incontournables, je ne les avais pas tous, mais je savais que celui sur Ghost Rider, il était très, très, très réaliste. Et du coup, je l'ai pris. Et le vrai premier super-héros que j'ai vraiment, vers lequel je me suis vraiment dirigé, sans que ce soit un incontournable, que ce soit une vraie histoire, c'était Le Surfeur d'Argent. D'accord. C'était, ouais, c'était, je ne sais plus qui l'avait écrit ou qui l'avait dessiné, mais je me souviens juste que c'était Le Surfeur d'Argent avec une histoire avec une petite fille. Il était connecté avec une petite fille sur Terre et tout. Et je ne me souviens plus du tout de l'histoire parce que je pense que j'ai dû le survoler. Mais c'est le premier comics que je me suis acheté moi-même. C'était Le Surfeur d'Argent. Et D'accord. Moon Knight, après, par la suite, un peu plus tard. Mais, Et tu... Ton super-héros préféré en comics avant le MCU, enfin c'est parce que du coup tu en as vu quelques-uns, c'était vraiment qui ton préféré? C'est Moon Knight. Moon Knight, c'est vrai, Mais putain, c'est ouf quoi. ce qui est fou, c'est que en vrai, de vrai, je me donnais un genre en fait à l'époque. C'est-à-dire que il y a mes cousins, notamment un de mes cousins qui est fan, enfin qui était fan de Marvel, à qui je m'entendais bien, qui me disait c'est qui ton personnage de comics préféré? Et je lui disais bah attends, je regarde et tout à l'époque d'Internet Explorer. Donc je regarde et tout, les photos, je tape des noms, tu sais, je vais sur Wikipédia, j'essaie de trouver, alors lui, il est connecté à lui, qui est connecté à lui, tu peux essayer de le retrouver lui, et je suis tombé sur Moon Knight, et je me suis dit, oh, lui là, il est trop stylé, son costume blanc là, la nuit et tout, j'aimais pas son histoire, le Ouais. côté, il est mort, il s'est fait ressusciter Je par un dieu et tout, en fait moi ça me faisait penser à Catwoman, le film, l'ai pas vu. avec Holly Berry. Ouais, non. Je me suis pas infligé ça. Bah, t'as de la chance. J'ai pas voulu aller jusque-là. Donc je lui ai dit, bah lui je l'adore, je l'ai vu dans plein de comics, je l'avais jamais vu. Je le trouvais juste stylé et il m'a dit, ah bah en plus on en a vu. Donc ils m'en ont pris, j'ai lu les comics, très vite fait, ça m'a pas plu plus que ça, je vais pas te mentir. Et Ouais. c'est que, ça a un petit aspect, c'est que des années après que je me suis dit, mais bah, en vrai le mec, il a un trouble dissociatif de l'identité. Il est en lien avec un dieu, il sort que la nuit. Et moi, je suis fasciné par les fonds marins et l'espace. Et le Ouais. côté lune, tout ça, je trouve ça fascinant. Et du coup, je me suis dit, bah, si, en fait, c'était écrit, Moon Knight, en Ouais, fait. il y avait quelque Et chose. quand j'ai lu, du coup, j'ai relu certains comics et tout, je me suis dit, ah, ok, je pense que j'étais peut-être pas dans le mood, ou peut-être trop jeune, ou pas, j'avais peut-être pas la maturité d'apprécier le truc. Et j'ai trop aimé le comics. Et quand j'ai vu qu'ils allaient en faire une série, je me suis dit, oh, c'est fou. En plus, le logo était trop beau et tout. Et c'est pour ça que je me suis acheté d'autres comics sur ce côté-là. Et j'adore les personnages qui ont des troubles mentaux, mais qui sont hyper puissants. C'est pour ça que j'adore aussi Sentry. J'aime beaucoup les deux. Même si Sentry, du coup, je l'ai très peu vu. Je l'ai surtout vu dans Avengers Evasion, où il est du coup dans le raft Tout et à il est fait. emprisonné et il tue Carnage. Ouais. Ah, la scène, Il elle est folle. Quand il explose. le déchire là, oh là Ah là. ouais. Il Incroyable. est incroyable. Et si tu as l'occasion de... Ah putain, c'est dans quoi? C'est dans Siège. Je sais que c'est la période Dark Reign. Mais si tu as l'occasion de jeter un œil aussi là-dessus, parce que Sentry, là aussi, wow, il envoie du lourd. Bah si, je suis médi... enfin, je suis... c'est pas vrai parce que là, récemment, j'ai lu les Dark Avengers et il est dans l'équipe. Oui, voilà. Dark Reign, Dark Avengers. Oui, c'est ça. Ah mais Et il est trop fort. ouais, vraiment. Et Quand il puis. s'énerve, quand il devient The Void là, oh, c'est. Ouais, sale Pouf. bête. Ah ouais. Vraiment, vraiment sale bête. Et ouais, bah, je suis bien curieux, tu vois, de voir ce que ça peut donner. Alors, du coup, bah, j'ai appris par ton intermédiaire que celui qui devait jouer Sentry, bah, du coup, c'est pas lui. Oui. Mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire de Sentry. Vraiment. Je sais à peu près, mais je vais peut-être pas forcément en parler si jamais il y a des gens qui veulent pas forcément savoir dans. Oh, je pense que tu peux y aller, en toute honnêteté. Ok. Bah, a priori, en fait, si j'ai bien compris, c'est un personnage qui aurait déjà ses pouvoirs, qui n'a pas été annoncé maintenant, parce que bah, là, ils ont annoncé que des personnages qu'on connaissait déjà, qui Ouais. sont arrivés dans l'équipe. Et en gros, normalement, c'est un gentil, sauf au bout d'un moment. Ou, a priori, ce ne serait plus lui, mais du coup son double maléfique, qui prendrait le relais et qui deviendrait le grand méchant du film. C'était prévu comme ça. Et en plus, il y a des scoopers qui auraient vu les essais costumes et qui auraient dit que c'est le plus beau costume qui ait été Ouais, fait du j'ai côté vu. du MCU. Du J'ai vu. coup, Oui, je ne sais pas sur quel pied danser, sachant que ça, en plus, moi, c'était un acteur que j'aimais beaucoup. C'est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Donc, mais bon, je pense qu'ils vont trouver quelqu'un d'autre et ils vont partir sur. Moi, ça m'arrange pas trop s'ils refont des troubles dissociatifs de l'identité, parce qu'il y a déjà eu ça avec Moon Knight dans la série, que j'adore. C'est ma série préférée, Moon Knight. Ok. Ah mais oui, mais tu l'as Vraiment. découvert un peu tard, non, en plus, Ah non? oui, ah bah carrément après tout le monde, hein, vraiment. Hein. Mais j'ai adoré Moon Knight, vraiment, puis cet acteur. Il Il est pète la très très classe, fort. quoi. Oh là là, putain, vraiment, je l'ai trouvé dantesque. Et qu'est-ce qu'on disait? Oui, et ça, tu vois, s'il y a des troubles dissociatifs avec Moon Knight, avec Sentry, ça veut dire que cette piste-là ne sera jamais explorée avec Hulk. Ah oui, bah oui. Et c'est dommage parce que c'est quand même le cœur du personnage. Donc, et ils vont pas faire ça tous les films, tu vois, à un moment donné. Sauf, ah, en vrai, bah, je sais pas, parce que tu vois, Sentry, son trouble dissociatif de l'identité, il va vers un antagoniste. La Hulk, je ne sais pas. Bah, du coup, ce serait plus Bruce Banner Hulk. Mais du coup, je pense que ce serait peut-être une autre manière de le voir. Mais en vrai, ce serait hyper intéressant qu'il le fasse quand même. Mais Ah c'est le oui. Marvel Studios, je t'avoue que bon. Voilà. Bon, les C'est espoirs plus sont le. minces. Mais il y a toujours un peu. Enfin, moi, j'espère fort qu'il fasse un vrai petit quelque chose positif, sachant que a priori, ils ont récupéré les droits, normalement, parce que je sais pas si tu avais vu, mais les contrats Paramount, tout ça, en fait, ça Ouais. stipulait que au bout de 15 ans, c'était bon, et la 15e année, c'était en 2023. Sachant qu'on te parle d'un World War Hulk un peu particulier, voilà, Avec le Hulk rouge. avec le Hulk rouge, et même plus que un ou deux Hulk, et encore, je sais même pas si le Hulk rouge sera dans le film. Parce que c'est Harrison Ford et je pense qu'Harrison Ford il voudra pas rester très longtemps. Je pense que ça va être le méchant d'un film. Ouais, mais ça se trouve, tu le verras même plus sous sa forme humaine. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, en plus, t'as même pas besoin, t'as juste besoin du visage Ah du mec et oui. tu peux reprendre Lou Ferrigno pour le jouer comme ils avaient fait au tout début pour Tu Hulk. peux. Ah ouais, putain, mais c'était lui qui l'avait fait. Oui, jusqu'à Avengers l'ère d'Ultron. Bah en fait, Putain, je savais même pas ça, tu vois. le premier. Bah l'Avengers, en fait, si tu compares la tête qu'il a entre Avengers et l'ère d'Ultron, deux salles, deux ambiances. C'est D'accord. vraiment pas du tout les mêmes têtes. Et le pire, c'est Ragnarok Avengers. Tu vois en fait que tu Ah reconnais, dans Avengers, tu reconnais un peu les traits de Mark Ruffalo, là où ouais. dans Ragnarok, c'est totalement Mark Ruffalo. Mais dans le premier, c'est du coup, c'est Lou Ferrigno. Ouais, Lou Ferrigno, c'était celui qui incarnait Hulk dans la première série, l'incroyable Hulk à l'époque avec Bill Bixby, tout ça. Et il est d'ailleurs dans le film l'incroyable Hulk Tout à fait, il fait de un Edward gardien. Norton. Oui. Il fait un gardien, il se fait acheter par une pizza. Oui, c'est vrai. Ouais, si, c'est ça. Et du coup, et comment t'as commencé à regarder les films du MCU et comment t'as commencé en fait à tomber amoureux de cet univers, à vouloir en parler en vidéo, à vouloir tout suivre, etc., etc. Ça, c'est mon papa qui m'a. Pareil, c'est toujours ça. Pour le Bon, coup, c'est allez, mon on fait papa. venir Michel, on n'en peut plus, il faut qu'on lui parle. C'est particulier parce qu'en gros, ils nous ont fait un peu la surprise. Parce qu'en fait, au moment où Iron Man est sorti, donc le premier film du MCU pour ceux qui ne le savent pas, c'était en 2008. Et donc, bah, j'étais tout petit et tout. Et en fait, mes parents, ils ont eu l'idée de nous faire une surprise. C'est-à-dire que ma sœur, qui était fan d'Amel Bent comme ma maman, en fait, sont allées, elles, au concert. Et moi, avec mon papa, on est allé voir Iron Man. Et la claque. La claque, je me Pourtant, Amel souviens. Bent, hein. Et on a loupé à ça d'écouter ma philosophie. Mais Je préfère Tony Stark. Amel, si tu nous regardes. Bonjour, déjà, mais. Désolé. Désolé. Mais non, quand j'ai la scène quand il a le costume argenté, ça c'est incroyable. Incroyable quand la première fois qu'il enfile son costume près du corps. Voilà, ça c'est une masterclass. En plus, à l'époque, je commençais déjà à faire mes propres théories parce que j'avais pas de comics du coup. Moi j'avais, enfin j'en avais, mais pas sur Iron Man. J'avais soit des comics Avengers où il était dedans de temps en temps, et en fait moi j'avais les encyclopédies Marvel. Ah peut-être que tu vas ressortir un vieux trauma, enfin pas trop. Non, c'est pas ça. Ah Ça ressemble merde. pas à ça. C'était, en fait c'était une pochette noire. Et il y en avait peut-être 3, 4, 5. Moi, j'avais le 1 et le 4. Le 1, c'était sur les Avengers, tout l'univers Marvel, en gros guillemets. Et le 4, je me souviens, c'était sur les X-Men. Donc, je connais tous les X-Men. Je connais Doop. pour les plus fans de comics de X-Men, je connais Doops, c'est un petit bonhomme vert avec un X sur le ventre et qui est un dieu. Je crois que c'est un dieu. Et je me souviens parce que lui, c'était particulier parce que même son histoire, elle était écrite en alien. Donc on ne sait pas qui c'est. Tu sais comment je le connais, lui ? À cause d'un mec qui fait des articles sur le site Bruce Lee qui s'appelle Doop au Malais. Ok, et du coup, c'est par rapport à ça ? Voilà. Alors, au Malais, je pense pas. Je pense que c'est pour autre chose encore. Mais Doop, je crois que ça vient de là, si je dis pas de bêtises. Bah, anecdote. Ah non, très intéressant. C'est... Alors, très cool. Je prends tout ce qu'on me donne. Et du coup, bah, j'avais les encyclopédies. j'ai bien aimé le petit regard. Non, mais bon. Okay. Moi, je note un gros. Prends un bilan. Et du coup, j'avais les encyclopédies et c'est comme ça que je découvrais les persos. Et par exemple, quand je vois l'acteur qui joue, Terrence Howard qui joue War Machine, qui regarde l'armure et qui fait la prochaine fois mon pote, je me suis dit, oh, mais lui, je le connais. Parce que du coup, c'est le mec dans l'armure. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'étais petit, je pouvais pas m'identifier à beaucoup de personnes parce que je suis noir. Alors certaines personnes me disent, oh, mais t'aurais pu t'identifier à Spider-Man parce que, il a un masque. Ou tu... Ouais, mais en fait, j'avais pas ce côté de, il est noir, ça peut être moi. À part Blade, mais Blade, je savais même pas que c'était un Marvel et en plus, ça me faisait peur. Et quand j'ai vu que lui, c'était War Machine et qui est le mec que je voyais dans l'armure grise qui était trop stylé, il était noir, j'étais War Machine. C'était moi, War Machine. Je connaissais pas à l'époque Black Panther, il n'était pas dans mon encyclopédie, c'était bizarre. Mais il y avait War Machine et tout, et je me suis dit, ah, mais du coup, il est noir et tout. Donc, à l'époque où j'avais internet, j'ai regardé War Machine sans masque, et du coup, j'ai vu qu'il était vraiment noir, même dans les comics. Donc, c'est comme ça que j'ai pu m'identifier un petit peu plus à lui. Et moi, quand, c'était mon Iron Man préféré, moi. Ah ouais ? Ouais. Dans les comics, il envoie plus du lourd que dans les films, je suppose. Moi, je trouve qu'il envoie grave du lourd, mais j'aime beaucoup en fait son histoire. J'aimais beaucoup, beaucoup son histoire. Et puis, en fait, c'était vraiment le protégé de Tony Stark, mais vraiment, alors attention, je ne suis pas un spécialiste Iron Man, mais j'avais vraiment un peu l'impression, un peu son sous-fifre, son demi-lune à lui, tu vois. Ok. Et il y a un moment donné où, si tu veux, ça va 5 minutes, ce genre de rôle, tu vois, pour le Black, et il va falloir qu'il s'émancipe de ça. Et à un moment donné, il revient encore une fois, si tu veux, dans l'armure, et cette fois, il n'a pas l'armure sans et or, mais il a l'armure donc noire, enfin grise et blanche, et là, mais il envoie du lourd. Et c'était une période où j'étais adolescent et je lisais ça dans Les Stranges et tout. Mais c'était Iron Man à ce moment-là. C'était pas du tout War Machine. Et après, j'ai vu le retour, si tu veux, dans les comics de Tony Stark, donc qui revient Iron Man, et donc se pose la question, putain, il y a deux Iron Man. Et lui, en fait, il décide à ce moment-là d'adopter le nom de War Machine. Et ça, okay. Je l'ai lu, tu vois, en direct, dans les kiosques de l'époque. Et il était génial, il était génial. Beaucoup plus badass que le gros capitaliste de Tony Stark, que j'aimais pas. Mm-hmm. Voilà, que j'ai appris à aimer plus tard, en fait. Plus tard. Ouais. Je comprends totalement, en vrai. Même pareil, moi, en vrai, j'ai vraiment commencé à apprécier Iron Man dès ses premiers films, mais vraiment, je pense, à partir de Avengers, l'ère d'Ultron. En tout cas, à titre plus cinématographique, je veux dire, parce que du coup, je l'ai très peu vu dans les comics. Et parce que pareil, je pense que quand j'étais petit, j'étais pas forcément touché par son syndrome post-traumatique qu'il avait, enfin par rapport à Avengers et tout, notamment dans Iron Man 3. Mais je me dis c'est hyper intéressant d'évoquer ça dans des films de super-héros et tout, parce que nous, enfin moi, quand j'étais plus petit, c'était le super-héros, il sauve le monde et voilà, fin. Mais en fait, il y a une suite. Il faut qu'il continue à pouvoir vivre et tout. En plus, qu'il avait vécu, c'était assez complexe. Ouais. Donc j'étais fan de lui, mais là, je le comprends aujourd'hui parce que bah, j'ai peut-être ce recul que j'avais pas à l'époque, mais c'était dingue. Et oui, de découvrir le MCU de cette manière-là, c'est juste fou. Et je suis tellement fan. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est encore plus compliqué d'être fan parce que ils nous font bouse sur bouse. C'est le cas. Hein. Je suis désolé, Quantumania, She-Hulk, Secret Invasion, c'est voilà. Mais j'aurais un, comment dire, ça me fait un pincement au cœur, ça me ferait un pincement au cœur, je le sais, si je ne regardais pas le film dès la première séance le mercredi. Je ne peux pas le rater. Ni, par exemple, bon, pour du What If, je m'en fous un peu, mais si ça avait été du Loki et tout, Loki, c'est réveil 8h59 sur Disney+ à 9h. C'est primordial. Alors que j'aurais pu, si je voulais faire la vidéo plus tard, faire ça à 11h, midi, peu importe. Mais là, c'était, je ne peux pas attendre une seule seconde. C'est pour ça que dès qu'il y a une avant-première et tout, j'essaie d'y aller parce que j'ai pas envie de rater quoi que ce soit. Et c'était des moments, enfin, à l'époque, hein, encore une fois, hein, c'était incroyable parce que j'ai pu vivre des moments fous. Alors, je ne vais pas tout raconter non plus parce qu'il y en a beaucoup des films, mais c'était vraiment. Bah, je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que peut-être que je suis très passionné parce que j'ai toujours cette âme d'enfant et cette vision de bah, en fait, c'était bien avant, je veux que ça redevienne comme ça, je l'espère fort et j'y crois. Je pense qu'ils vont s'améliorer. Donc, Alors, moi, c'est, j'en discute souvent bah, de temps en temps avec toi et puis souvent avec Spider-Man, tout ça, qu'on n'est pas. On est tous les deux, entre guillemets, désenchantés par toutes les productions, on va dire, récentes. Mais j'avoue que moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'à un moment ou à un autre, tu ne peux pas avoir des échecs commerciaux comme ça sans, à un moment donné, te dire « Bon, il faut qu'on change notre fusil d'épaule. » Ce qui serait tragique pour moi, ce serait vraiment, ça me ferait chier, ce serait qu'ils disent « Bon, allez, on arrête de faire des films de super-héros, quoi, tu vois. » Mais moi, j'aimerais vraiment qu'ils... En fait, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, j'entends souvent en fait le concept, enfin des gens qui disent les films de super-héros, c'est un genre en particulier. Et moi, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est une bêtise en fait de le réduire comme ça. C'est la porte d'entrée, c'est le premier étage de la fusée. Les films de super-héros, c'est un genre en particulier. Mais après, avec ce cadre-là, avec cet univers, avec les différents super-héros, tu peux tout raconter. Tu peux raconter un film d'horreur, tu peux raconter un film d'action, tu peux raconter un film familial, tu peux raconter des sujets de société, tu peux tout raconter. Mais il faut choisir peut-être de temps en temps un thème, entre guillemets un combat, et puis jouer la carte à fond. Et quand tu as un univers qui est aussi riche, il faut, à mon sens, arrêter de vouloir tout globaliser, d'essayer de faire une espèce de gloobie-boulga qui va plus ou moins plaire à peu près tout le monde. Eh ben non, de temps en temps, il faut choisir. Et choisir, eh ben c'est faire des choix, et faire des choix, c'est laisser des trucs de côté. Si tu fais un truc pour les enfants, tu fais un truc pour les enfants. Et les grands, eh ben c'est pas pour vous. On est en train de construire des générations prochaines de fans. Et si on fait un truc pour les adultes, eh ben on fait un truc vraiment pour les adultes. Et les enfants, bah, va falloir grandir un petit peu. Puis vous pourrez regarder ce film, et puis vous pourrez regarder Les Dents de la Mer. Et puis, enfin, tu vois, il faut, il y a un temps pour tout. Et j'espère, tu vois, c'est la leçon en fait qu'ils vont tirer de ça. Je pense que c'est vraiment, en toute honnêteté, l'erreur liminaire en fait de leur côté, c'est de vouloir vraiment essayer de plaire à peu près à la globalité, et ça, ouais. Ça marche pas quand tu essayes de plaire à tout le monde, au final tu plais à personne. C'est ça, exactement. Et c'est marrant parce que du coup, ce que tu as dit, moi j'essaie de l'appliquer à ce que veut faire Marvel, mais en fait ils le font, mais ils le font très mal. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire des programmes plus adultes, ils essayent de faire à leur échelle. Ils essayent de faire des programmes plus enfantins comme I Am Groot, mais des fois, en fait, ils mélangent un peu tout. Et tu te dis que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que là, il y a un petit retour en arrière avec le retour donc, de Bob Iger, à tel point que j'ai l'impression que tous les projets qui étaient prévus à cette ère-là ont tous changé à l'ère qui est aujourd'hui, je pense, révolue, même s'il reste encore Captain America 4, mais... Il y a beaucoup de changements qui se font. Il va y avoir des reshoots, etc. Le film a été décalé. Il va sortir en février 2025. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'ils n'ont rien annulé pour l'instant, sachant qu'ils l'ont déjà fait. Hein. Inhumans, c'était un film. Et finalement, ça a été une série qui n'est même pas canon. Putain, ouais. Ouais, c'était prévu à la place de Ant-Man et la Guêpe à l'époque. Parce qu'il n'était pas prévu, parce que le Ant-Man venait d'être annoncé à ce moment-là. C'est très particulier la manière dont ils s'organisent, parce que on a eu une série par exemple Daredevil, pour citer quelle, qui a commencé son tournage, changement de direction, alors les scénaristes vous dégagez et on recommence tout, alors que le tournage avait déjà débuté. Donc ça veut dire que tu prends encore du retard sur ce que tu veux faire, sachant que cette série en plus a été annoncée avec 18 épisodes, évidemment que ça sera deux saisons de 9 chacune. Et ils font que modifier tous les trucs qu'ils ont prévus, mais tous. Là, Wonder Man va encore... ça va être la même chose que pour Captain America, il va y avoir des reshoots. Iron Heart, qui est terminé de tourner depuis l'année dernière, même peut-être même avant, qui était censé... terminé en 2022, devait sortir en 2023. Maintenant, c'est daté pour 2025. Donc, entre le tournage et la sortie du film, enfin, la série, il y aura eu 4 ans. Donc, déjà, les personnages auront eu le temps de grandir. Et en plus de ça, ils vont faire des reshoots encore. Donc, je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que là, il y a au moins l'envie peut-être d'avoir une petite amélioration, de se dire, ok, on a des projets qui sont pour l'instant pas ouf, mais vous allez voir qu'avec notre nouvelle politique de faire moins et de faire mieux, ça va être bien. Parce que là, ouais. L'année prochaine, ça, je pense que l'année prochaine, je le dis quasiment toutes les années, parce que en fait, ça s'est décalé à chaque fois, mais c'est l'année charnière. C'est-à-dire que là, on a que Deadpool 3. Il n'y a que... Et s'ils le font de cette manière-là, c'est parce qu'ils savent que ce film va faire le milliard. C'est évident qu'il va le faire, parce que Noé Home l'a fait avec les trois Spider-Man. Là, tu remets du Deadpool, du Wolverine, ils vont le faire. Donc, ça va être une rentabilité de fou. Tu sens qu'il y a un truc qui pousse autour de ce film de malade. En plus, ils le savent, ils le font exprès. Le côté de... Il y a plein de leaks et tout. Alors, ça, je pense que ce n'est pas fait exprès. Je pense que vraiment, il y a une volonté de aussi garder quand même pas mal de surprises. Mais ils auraient très bien pu garder de côté l'image de Deadpool et de Wolverine avec les costumes, par exemple. Ils auraient pu garder pour un trailer. Ouais. Et ils ne l'ont pas fait. Mais du coup, il y a l'envie de teaser quand même en se disant ça va marcher. Et tu vois que même du côté de Disney+, il y a eu un énorme changement, à tel point que cette année, on n'a que, entre gros guillemets, deux saisons live action. On a Echo là qui sort là, et on a Agatha, alors qu'on aurait dû avoir Daredevil, on aurait dû avoir Iron Heart, on aurait dû avoir tous ces projets là cette année, et finalement ça a encore été décalé. Par contre, on a tous les programmes d'animation. Ça, c'est comme si on... Et c'est à mon avis Bob Iger qui a dû se dire, ok, 2024, on fait max de rentabilité sur Deadpool 3. Si les autres projets ne marchent pas, c'est pas grave, c'est sur Disney+, de toute façon, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma. Donc, tous les projets, là, I Am Groot, tout ça, vous sortez ça maintenant. Bon, bah, I Am Groot est sorti l'année dernière, mais tous les petits projets, là, les séries d'animation, ça ne hype pas grand monde. Et de toute manière, nous, au plus, on le voit à notre échelle, parce que quand on fait des critiques, on voit si l'épisode, il a plu ou pas, s'il a été vu ou non par rapport au nombre de vues, parce que ouais, bien sûr. Enfin, c'est en fonction de ça aussi. Et à mon avis, ils ont dû se dire, bon, 2024, année entre guillemets, charnière, et 2025 on réattaque, parce qu'il y a quand même 4 films en 2025 du côté du MCU, et je pense que ça, c'est là où ça va commencer à devenir beaucoup plus impactant, sachant qu'en plus le MCU, ils ont eu énormément de problèmes post-Endgame, puisqu'il y a eu le Covid, il y a eu les grèves de scénaristes et des acteurs, il y a Jonathan Majors, il y a aussi l'acteur de Namor qui est visé par une accusation. Il y a énormément... On n'a plus parlé de ça. Oui, c'est vrai. Et il y a Chadwick Boseman qui est décédé aussi. Ouais. William Hurt aussi est décédé, qui devait jouer Red Hulk, ils l'ont changé, etc. Il y a eu énormément de choses qui ont fait que le MCU, et même le cinéma de manière générale, ça s'est un peu compliqué, et encore plus, ça s'est encore plus fait ressentir sur des univers comme cela, parce qu'ils sont présents toute l'année. Donc forcément, ça a un impact sur le reste de ce qu'ils veulent proposer, quoi. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Non, tu rigoles. Plus tout le lancement des séries, parce qu'ils ont... ils ont quand même initié ça. Avant, il n'y avait que des films. Et avec les séries, ça a multiplié encore les projets. Et c'est là, tu vois, où je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que tu trouves qu'ils sont en train de balancer d'un coup trop de nouveaux persos? Enfin, moi, tu vois, j'ai cette impression où je me dis, là, il y a du Echo, Agatha, Sentry, Wonder Man, Shang-Chi, on le voit plus, les Éternels, ils sont où? Je me dis, putain, les mecs, il y a Blade qui arrive, on a, je me rappelle, le Chevalier Noir, machin, enfin, tu te dis, putain, vous, Hercule, vous Iron Heart, enfin, putain, je creuse un peu, j'en trouve plein, je mets un coup dans la bibliothèque, il y en a deux qui tombent, c'est un truc de malade. Je me dis, vous êtes en train de multiplier, en fait, le nombre de personnages, plutôt que je dis pas qu'il faut pas des nouveaux persos, mais balancez pas simplement des persos comme ça, exploitez-les, faites-les grandir, racontez-nous des choses dessus. Faut qu'on ait envie de les aimer, pas que sur un film, qu'on ait envie de les aimer pour les 10 prochaines années. Et là, j'ai l'impression qu'ils multiplient les pistes sans avoir réellement la volonté, en fait, d'installer des nouveaux personnages. Pour moi, c'est pas normal, tu vois, que t'as fait Shang-Chi 1, Il a marché, il n'a pas marché, il a marchouillé. Il a marchouillé, Shang-Chi. Ah oui, il est rentable, oui. Non, hein, pourquoi tu lances pas un Shang-Chi 2? Bah, pour le coup, il est, lui, il est prévu. A priori, ça pourrait sortir pour 2000. Certaines personnes parlent de 2026, mais c'est trop. Entre 2021 et 2026, il faut le revoir. Et là, on ne l'a toujours pas revu. Là, déjà, cette année, si on ne le revoit pas, et on ne devrait pas le revoir parce que je ne le vois pas dans Deadpool 3, je ne le vois pas dans Echo et je ne le vois pas dans Agatha, on pourra le revoir en animation. Non. Peut-être dans Blade, c'est fin d'année 2025. Ah ouais. Donc c'est encore dans longtemps. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont, en fait, ils ont lancé trop d'arcs en même temps qui n'auraient pas dû lancer maintenant. Par exemple, l'arc. Là, s'ils avaient fait un arc Kang, tout simple, tu fais du multivers. T'as pas besoin. En plus, ce qui est marrant, c'est que le multivers, chaque film, chaque série, c'est montré d'une manière différente. Donc même les gens, nous on arrive à comprendre un peu en fonction des règles qui nous établissent au fur et à mesure, mais les gens qui prennent ça en cours de route, ils vont rien comprendre. Et c'est en vrai c'est totalement normal. Et ils ont lancé trop de choses en même temps et ils vont continuer en plus parce que là je sais pas si t'as entendu, mais ils vont faire une série sur des super-héros anglais. Non. Alors c'est pour l'instant, j'ai vu les Invaders ? Non, pas les Invaders. Ils n'ont pas encore le titre de la série, mais si je te donne les noms des persos qui sont prévus dans ce projet-là, tu ne vas pas regarder. Hein. Vas-y. Gaia. Oh. Sonia Falseworth, celle qui joue aussi dans Secret Invasion. Je sais pas qui c'est. C'est celle qui travaille au MI6. Oh. Et Black Knight. Et du coup, ils veulent faire une série sur des super-héros britanniques, mais faites ça plus tard. En fait, on a déjà les Thunderbolts, on a déjà des équipes qui sont bien établies. Pourquoi continuer à évoquer ça? C'est pas la peine. Mais ils continuent parce que je pense qu'ils se disent. En fait, c'est parce que c'était l'ancienne direction, c'était Bob Chapek. Ouais. En fait, Bob Iger, lui, c'est lui qui a été un des grands. Je crois que c'est Bob Iger qui a acheté Marvel avec Disney. Je crois que c'est lui. Il a beaucoup aidé. Disney, Marvel et tout, c'est à lui qu'on doit en grande partie, quand même, la phase 3. Quand même. Enfin, les trois phases, pardon. Les trois premières phases. Même si la première, enfin, c'est quasiment que du Paramount, mais bon. Après, à partir de la phase 4, enfin, entre la phase 3 et la phase 4, Bob Iger, il avait fini son contrat et c'est Bob Chapek qui est venu. Et lui, c'est un mec qui est plus tourné vers le streaming. Donc, c'est pour ça qu'ils ont lancé énormément de séries. Et si tu remarques bien, aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu disais il y a trop de nouveaux personnages. Je suis totalement d'accord. Mais regarde, en termes de séries, en 2021, tu n'as que des super-héros qu'on connaît. Wanda, Vision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye. 2022, tu n'en as aucun qu'on connaît. Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight. Mm. En tout cas, en live action. Et en plus, tu avais Werewolf by Night, qui n'était pas connu, même si ce n'est pas une série, mais c'est un special. Donc, c'est ça aussi qui est complexe, c'est que moi, si j'avais été eux, c'est pour ça aussi que j'ai fait ma vidéo sur comment est-ce que moi j'aurais fait mon truc, c'est que j'aurais mélangé l'ancien et le nouveau, sans pour autant faire que de l'ancien et que du nouveau. Parce que là, en fait, ils nous proposent des personnages, mais en vrai, on n'en a pas. C'est pas qu'on n'en a pas besoin, c'est qu'on n'en a pas besoin maintenant. Je suis désolé, mais She-Hulk, on aurait pu le faire plus tard. Parce que ça raconte pas grand chose, on aurait mieux explorer le personnage plus tard. Moon Knight, j'adore le perso, je suis peut-être un peu moins fan de la série, mais ils auraient pu sortir aussi la série peut-être un peu plus tard, quand on évoquerait un peu plus Blade. Pour le coup, ça n'a pas lieu d'être, sachant que Moon Knight, ça serait connecté à Werewolf by Night, ça serait connecté un peu à Black Knight, enfin, du coup, Midnight Suns, mais dans les Midnight Suns, t'as Doctor Strange, et Doctor Strange, il ne semble pas être trop connecté avec ça pour l'instant, puisqu'il est connecté avec le multivers, donc attendez le multivers, et après, vous faites cette phase-là. C'est pour ça que je trouve qu'en fait, il mélange trop de trucs et c'est un peu incompréhensible parfois. Ou alors l'expliquer plus clairement. Tu vas dire, on va être dans une phase où tu vas avoir la phase multivers, la phase un peu plus... la trame narrative un peu plus obscure, un peu plus dark. Bah, tu vois, l'expliquer comme ça. Et là, hop, tu sais déjà un peu mieux faire des affiliations, tu vois ce que je veux dire. Et quand c'est un peu plus simple, les gens, ils s'y retrouvent en fait plus facilement. Bah, sinon, comment il va, Soudard? C'était un choc mental. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Ça, c'est Anto. Peut-être. Ça, c'est Anto, ça, qui t'a dit ça. ça ne veut pas être quelqu'un d'autre qu'Antoine, parce qu'il sait très bien que Soudard et l'autre, je ne sais même plus son nom. Bah, et... J'ai Rivol en tête, ou Raviol, ou, je ne sais plus son nom. Non, c'est Rodal. Rodal, bon, je n'étais pas loin. Oui, oui, c'est vrai. En gros, pour la petite année, je peux le raconter vite fait. En gros, ce sont des personnes qui étaient connectées à un, de près et de loin à la chaîne de Seb Mediavor. Et du coup, leur nom nous faisait rire. Sachant que j'en ai rencontré un et ils ont l'air, les deux ont l'air incroyablement gentils. Mais le fait que tu me dises, que toi tu me dises ça, je trouve ça fou. C'est l'objectif. Comment il va, Soudard? Anto. Merci. Bien sûr, un amour. Merci. Des meilleures personnes sur Terre. Ah, il était beau. Il était, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, ah, il va enchaîner sur un autre sujet. Soudard. Quittons comme ça. Là. Plouf. On sait pas d'où ça vient. Ah bah pour le coup, j'ai pas vu la série Watchmen encore. J'ai pas ni le film ni la série, je les ai pas vus encore. Mais je vais les regarder, c'est dans ma liste. C'est dans Alors, ma liste cette année. Ouais, mais je ne doute pas que ce soit dans ta liste parce que en plus vraiment vraiment très très bien. Okay. Et en plus, moi je sais d'ores et déjà que tu vas surkiffer. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, la thématique, le traitement, le magnifique. Et l'actrice dans la série Watchmen, putain, comment elle s'appelle ? Oh, je suis nul dans les prénoms. Elle est incroyable. Sœur, j'ai mangé son nom. Oh là là, la vache. Ouais, série incroyable. Vraiment, si tu fais des émissions dessus. Non, c'est très, très bien. J'aimerais bien. De toute façon, je vais forcément la découvrir. Parce que, déjà, j'ai envie de me renseigner encore plus sur Zack Snyder, parce que c'est lui qui a fait le film. Bien sûr que j'ai envie de me renseigner parce que je pense que ça aussi, c'est un projet qui a été très, très, très commenté quand c'est sorti en film et donc forcément adapté d'un comics. Donc, il faut aussi que je m'en renseigne sur le comics. Comme tu l'as dit, la série, a priori, elle a plu. En plus, c'est une série HBO Max. En général, c'est qualitatif, les séries HBO. Et en vrai, vu le bonhomme qui est James Gunn, c'est même pas impossible qu'on ait à nouveau les Watchmen du côté du cinéma. Hein. C'est très possible. Donc, j'avoue, peut-être dans une phase plus tard. C'est fort possible. Sachant que là, c'est vrai qu'il n'y a pas. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a. Je crois que j'en ai parlé que à Bilal, à Eddie, Anto et Sébastien, mais on connaîtrait le reste de la phase. Ah bon ouais. Enfin, ça a fuité. Parce qu'en fait, c'est DC ou Lix, alors qui fait partie de un groupe de scoopers, je ne sais même pas qui ils sont vraiment, qui sont sur Reddit, donc un site, un forum. Et en gros, eux, par exemple, c'est eux qui avaient dit avant même les gros médias, Steven Yeun et Sentry, c'est terminé. C'est eux, alors qu'ils parlent de DC de base, hein, c'est eux les premiers D'accord. à l'avoir dit. Et ils ont donné les titres des futurs films, des futures séries. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 en plus de ce qu'on connaît pas déjà sur la phase 1, leur arc Gods and Monsters, enfin, chapitre 1. Donc, en vrai, il y a moyen que ce soit très sympa. Sans rentrer dans les détails pour pas spoil, mais il y a un film, pour le coup, lui, il me tente beaucoup. Et je pense que ça va être teasé dès le premier Superman Legacy. Je pense. On en est déjà à 2h20. Ouais. Et j'ai encore une petite série de petites questions. Après, une ou deux petites questions peut-être qui méritent un peu plus de peut-être un peu plus de développement de ta part, monsieur. C'est toi qui verras. Ton film préféré dans le MCU, c'est quoi ? Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Ah ouais ? Ouais, très récent. En même temps, en fait, moi, j'associe beaucoup le visionnage au film, enfin, à mon ressenti sur le film. Et bon, je ne vais pas cracher dessus, j'ai été invité par Disney à Disneyland pour aller voir le film. Il y avait les acteurs et tout. Oh putain, trop bien. Ouais, tu te mets dans des bonnes conditions, en vrai. Et le film en plus il était génial. J'ai adoré ce film-là. J'adore les musiques, Radiohead, tout ça, Creep, c'était incroyable. Donc ouais, je pense que avant c'était Captain America, le Soldat d'hiver, parce que fou, ce film fou. Et je sais même pas pourquoi, juste il est fou. La scène de l'ascenseur, enfin il est incroyable. Mais maintenant c'est les Gardiens 3. Et toi, du coup, c'est quoi ton film préféré ? Je sais pas. Je sais pas, je t'en prendrai un de la phase 1 et puis ouais. Iron Man le premier. Oh. Ouais. Le premier Captain America. Ah, lui, j'aime pas trop. Oh. Oh là là. Air crâne rouge. Oh là là. Oh là là. Magnifique. Le petit costume. Le... et sinon, comment te dire, Infinity War et Endgame, avec des petits défauts, tout ce que tu veux. Mais ouais, c'est tout particulier, ça. Tout ça, en fait, tout ce chemin, tu vois, avec des hauts, des bas et tout, et à un moment donné, Avengers, oh là là là, Assemble, oh là là là là, la salle qui soulève, moi qui suis, ah non, bah, c'est incroyable, incroyable. C'est... Moi, j'étais à la séance au Grand Rex, à minuit, enfin précisément, même s'ils ont eu du retard, j'ai crié, j'avais plus de voix. Je pouvais même pas faire. Je crois que ma critique d'Endgame, je la fais avec la voix cassée, parce que j'ai, au moment d'Assemble, on était tous debout. On était, mais c'était un truc de fou. C'était incroyable. Le moment où il coupe la tête de Thanos au tout début du film, tu te dis, mais du coup, c'est qui le méchant ? C'est quoi ? Il se passe quoi là ? Après, bon, il y avait des rumeurs comme quoi ça se passerait 5 ans plus tard et tout, mais tu savais pas comment ça allait se passer, parce que la plupart des scènes du trailer, c'était des scènes du début du film ou des scènes qui n'étaient même pas dans le film. Ça, c'était l'époque de fou, ça. Mais c'était incroyable. Et du coup, ça te ramène en arrière, tu vois, à la première fois, en scène post-générique, où tu vois juste Thanos comme ça, tu vois, qui sourit comme ça. Tu te dis, mais c'est pas croyable. Et à chaque fois, c'est un peu le même principe que quand, tu vois, tu passes un cap, en fait, sur YouTube, j'aime toujours me rappeler, en fait, de moi à la base je voulais avoir 100 abonnés, tu vois, moi quand j'étais gamin et que je lisais des comics que j'avais personne à qui en parler, moi avoir un film au cinéma avec les Avengers, avec Spider-Man et X-Men et qui tu veux, mais c'était même pas envisageable. C'était de la sous-culture, c'était de la merde, j'étais le blaireau du coin, en fait, si tu veux. Et même si, tu vois, il y a eu des trucs qui n'étaient pas flamboyants et tout, même si on vient d'avoir cette période un peu compliquée et tout, mais moi, je souhaiterais toujours que du bien au MCU et je serais toujours reconnaissant parce qu'à un moment donné, ils ont concrétisé un truc auquel je n'avais même pas le droit de rêver. C'est au-delà de mon rêve, c'était un truc, ça sert à rien d'y penser, ça n'arrivera jamais. Et ils l'ont fait encore plus beau que ce que j'aurais pu espérer. Donc voilà, je sais pas ce que ça donnera. J'ai pas voulu aller voir The Marvels là, tu vois, au cinéma, mais je sais que je le verrai grâce à mon tonton américain et que ça fera comme les autres films Marvel. Je le verrai, je le reverrai, parce que même les films que j'aime pas du MCU, je les vois, je les revois, c'est comme ça, Marvel boy quoi. J'adore ça. C'est super. C'est vraiment un truc qui, je sais, va m'accompagner. Qui m'accompagne toute ma vie, m'accompagnera toute ma vie, quoi qu'il arrive. Avec des hauts, des bas. Mais voilà. À la base, c'est moi qui te pose des questions. Putain ! Excuse-moi, désolé. Non, puis en plus, c'est que des sujets où j'adore en parler, donc si tu veux. Ah bah parfait. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que tu préfères un film avec un héros seul ou en équipe ? Et pourquoi ? Ça dépend du perso, ça dépend du... Je tourne un peu la question, mais en vrai, j'aime les team-up, c'est particulier. J'adore les interactions qu'il peut y avoir entre les différents personnages. Infinity War, quand tu vois Rocket avec Bucky, tu te dis, mais ça n'a rien, ça n'a aucun sens. Et ils ont quand même un dialogue, les deux. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, en vrai. J'aurais aimé qu'il y ait plus de dialogue avec d'autres persos et tout. Parce que ce qui est fou, c'est que dans certains crossovers, t'as même pas de dialogue entre les personnages les plus connus. Genre, il me semble pas qu'il y ait un seul dialogue entre Doctor Strange et Captain America, par exemple. Je crois pas. Donc, il y a plein de personnages comme ça où tu te dis, ah, ils se sont déjà parlé. En fait, pas du tout. Et c'est dans ce genre de film que tu peux le voir. Et je trouve ça trop bien. Les films sur des solos, c'est bien parce que ça permet d'explorer de plus en plus l'univers du personnage, comme ils l'ont fait avec Iron Man, Thor et Captain America. Et les Gardiens aussi, mais bon, les Gardiens, c'est particulier parce que c'est déjà un groupe, mais bon, on peut les voir comme une entité. Et pour les films Avengers, bah, en vrai, c'est sûr que c'est particulier parce que, alors qu'on ne sait rien du film, Avengers 5, le prochain, c'est celui qui est le plus attendu par les fans actuellement. On sait très bien que ce genre de film, tu n'as même pas besoin de donner un acteur pour te dire que ce film va faire milliard. Ils n'ont même pas besoin de ça. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin. Si, c'est pas plus. Si, c'est pas plus. C'est... Par contre, je pense que s'ils font moins que l'ère d'Ultron et le premier, ils vont se poser des questions, mais je pense qu'ils vont faire en sorte que ce soit le film Avengers par excellence. Parce que de plus en plus, maintenant, il y a des crossovers. On le voit bah, du coup avec The Marvels, The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision. Il y a de plus en plus, même s'ils étaient connectés déjà, de plus en plus, il y a des projets qui portent leur nom et de moins en moins des personnages qui vont faire des apparitions dans des séries ou dans des films. Ils font moins ça. Bon, là, je vais peut-être pas te spoil The Marvels, mais dans The Marvels, t'as une apparition d'un perso que tu t'attends pas forcément à voir dans ce film-là. Au-delà de la scène post-crédit, t'as été spoil de la scène post-crédit ? Du tout. Même pas ? Non, non. Je suis sûr que si tu la regardes, tu vas faire quoi ? Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Mais dans le film, t'as une apparition d'un perso sans te spoil qui n'a rien à voir avec leur histoire et tu te dis ok. Enfin, après, moi je savais parce que ça avait fuité depuis longtemps, mais du coup, bah, c'est toujours agréable de se dire ah, je le découvre comme ça aussi. Donc, moi, ce serait plus les team-up, personnellement. Parce que je trouve ça plus intéressant de voir leurs interactions, de voir. Par exemple, j'ai pas forcément envie d'avoir l'interaction entre She-Hulk et Moon Knight, mais ça me tente pas de fou. Entre une qui brise le quatrième mur et un autre qui est contrôlé par un mec qui a un béret, bon, écoute, hein, voilà. Un univers de blagues sur les pleines lunes. C'est sûr. Ouais. Et il va vraiment... Putain, non, allez, je vais te poser des questions. Est-ce qu'il va y avoir encore une autre saison de She-Hulk ou pas? Ça, on sait pas encore, mais à mon avis, non. C'est vrai? Putain. Je pense pas. Parce que vu comment a été reçue la première saison... Oh ouais, c'était une grosse incompréhension. Bah après, il y a des rumeurs qui disent que oui, hein, parce que Daniel RPK, il en parlait. Après, encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Mais il en parlait d'une nouvelle série sur She-Hulk. Mais je pense que c'est surtout pour réamorcer le petit Hulk pour dire ah, vous avez vu, il y a son sang qui se balade un peu partout là. C'est tout. Je pense que c'était uniquement l'utilité de She-Hulk. En tout cas, d'un point de vue du MCU sur ce que ça veut raconter sur les personnages, plus que sur le propos. Ouais. Non, on va voir. Après, ça dépend. Enfin, faut voir. Si réellement il y a un arc entre guillemets gamma qui s'installe dans le MCU, ça peut avoir à un moment donné une pertinence, mais je suis pas sûr. À voir. Moi, de toute façon, je regarderai. Et même She-Hulk, je l'ai vu qu'une fois la série, je sais que je vais la revoir. Ah, là, okay. Je suis sur Loki. Tu vois, La saison 2 ou la saison 1 ? Alors, j'avais vu la saison 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai voulu commencer la saison 2 et je me suis rendu compte que je me rappelais plus du tout de la saison 1. Du coup, je suis à l'épisode 5 et 4 de la saison 1. Ok. Donc, je recommence depuis le début. Ok. Histoire de me rafraîchir bien comme il faut la mémoire pour aller sur la saison 2. Saison 2 très bonne. Ouais, j'ai vu vite fait, tu vois, ton avis, tes critiques dessus, mais j'ai pas été plus loin parce que je voulais surtout pas me faire spoiler. Bien parce sûr. Que ça, je savais que j'allais la voir. Et voilà. Mais tu vois, ça, c'est pareil. J'aime bien prendre mon temps, tu vois, sur ce genre de trucs. C'est pas des trucs forcément que j'ai envie de voir Day One, vraiment. Mm-hmm. Mais par contre, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner, ouais, clairement. Ouais. Ne serait-ce que pour le délire multiversel et les conséquences que ça peut avoir. Ouais, ça peut être très très très stylé, ça. Est-ce que tu auras un acteur fétiche ou un réalisateur fétiche que tu aimerais voir intégrer le MCU ? Pour faire qui ? Les deux ont déjà été... et dans le même film en plus. C'était Chloé Zhao. Alors, enfin, c'est celle qui a fait Eternals. Oui. Ah oui, la réalisatrice. Ouais, Chloé Zhao. Après, c'est un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que je connaissais pas Chloé Zhao avant qu'il l'annonce. Et pour me renseigner sur l'actrice, la réalisatrice et ce qu'elle pourrait donner dans le film, j'ai regardé tous ses films avant. Et j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, c'est un pari hyper osé. Parce qu'elle fait que des films où il se passe pas grand-chose. Alors, certaines personnes vont me dire, dans Eternals, il se passe pas grand-chose aussi. C'est possiblement vrai, tout dépend de comment vous l'avez ressenti. Mais moi, Eternals fait partie de mes films préférés. Et la réalisation, tu la sens. Et là, tu te dis, ok, là, Marvel, ils ont donné... en plus de faire un film particulier sur une équipe hyper colorée, où ils ont enlevé toutes les couleurs, tout en gardant un peu... un aspect un peu marvelesque, etc. Ils ont réussi à faire un film entre guillemets, entre gros guillemets, qui laisse la chance à la réalisatrice de faire ce qu'elle voulait. Et ils l'ont fait avec elle, ils l'ont fait avec Dessin Daniel Cretton pour Shang-Chi, et ils le font de moins en moins là maintenant, parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait pas, parce que Eternals n'a pas marché, il a fait quoi, 400 millions, alors, c'est beaucoup, mais pour un gros budget, donc il est, je crois qu'il est peut-être pas rentable, je sais plus, mais ça serait Chloé Zhao pour une réalisatrice, du coup, et pour un acteur, ce serait, et c'est pour ça que c'est dans le même film, même si c'est léger, c'est Mahershala Ali, qui va jouer Blade, et lui, pff, quel acteur, il est incroyable. Lui, je l'avais découvert dans la série Luke Cage, parce qu'il jouait l'un des méchants, il jouait Cottonmouth, et j'ai vu Green Book, j'ai vu Moonlight, j'ai vu beaucoup de ses films, et j'ai pas vu Alita encore, mais ça me tente pas trop, mais à chaque fois que je l'ai vu, il était incroyable. Donc, je me rappelle même pas que c'est lui dans Alita. Là, c'est le méchant, je crois. Ouais, c'est, ben je vois qui fait, il doit faire le en gros le contrebandier là, le je vois lequel il veut faire. Et tu verrais pas toi Denzel Washington pour remplacer Kang. Pour faire Kang, ouais. Il vaudra jamais, mais. Ils ont eu Angelina Jolie dans Eternals, ils ont eu Harry Styles. En vrai, je pense que si, ils ont eu même. Comment elle s'appelle celle qui joue dans. Elle joue Cléa. Je sais plus comment elle s'appelle. Putain, ouais, alors voilà, non. Mais je vois qui c'est. Hancock, je sais plus, mais ils l'ont eu, elle. En vrai, je pense que s'ils alignent, il peut le faire. Mais je pense qu'il le fera pas. Parce que je sais pas si t'as entendu, mais il y a un nom qui est ressorti, a priori. Il s'appelle. Je ne sais plus, attends, je vais me renseigner vite fait, parce que je sais qu'il joue dans une série qui s'appelle Fear the Walking Dead. Oui. Et il s'appelle Coleman. Hop, Coleman. Bah, je suis très déçu, parce que je me disais Désolé. Vraiment Denzel Washington. Coleman moi, Domingo. C'était... Non, je connais Domingo, le YouTuber. Non, c'est pas lui. Moi, parce que dans Kang, je le voyais pas, tu vois, Domingo, tu vois, bizarre. T'as vu la série Euphoria? Non. Non, ok, bon, il joue dans cette série aussi, et en vrai de vrai, il a énormément de charisme, et il joue super bien. Le seul problème, c'est qu'il a bientôt 60 ans, bon, tu le vois pas qu'il a 60 ans, en vrai. Bah, il a 40 balais, donc... Oui. 60 ans, ça va. Donc, en vrai, si c'est lui, parce que ça, c'est une rumeur qui tourne, si c'est lui, c'est... Moi, je trouve que c'est un très bon cast. Très, très bon, et très, très bon acteur. Il faudrait qu'il tarde pas trop, là... à se décider et à communiquer dessus. Ah mais de toute façon ils vont au moins attendre la peine. La quoi? La peine pour Jonathan Majors. Ah la peine, d'accord, ok. Enfin sa condamnation parce qu'il risque un an de prison, donc ça sera en quoi février. Qu'il arrive, je crois c'est fini pour lui quoi. Ah oui, Jonathan Majors, bah il est viré de toute manière de Marvel, ils l'ont viré. Donc en même temps. C'est normal. Enfin, je trouve, certaines personnes vont me dire « Ouais, mais c'est un bon acteur. Ouais, » D'accord, super. Oui, mais c'est peut-être un bon acteur, mais tu peux pas... on verra dans 10 ans. Hein, voilà, il faut qu'il fasse profit de bas, là, maintenant, hein, puis qu'il s'amende, et puis qu'il... Et puis voilà. Moi, tu peux pas représenter... Ah non, clairement pas. Clairement pas. Donc, je suis content qu'il le fasse, pour le coup. Je suis content qu'il le change. Oui, c'est bien. C'est bien. Et je trouve que ça a été... on n'est plus du tout sur une histoire de fan de comics, surtout. Ah oui, on est juste deux potes qui discutent. J'ai beaucoup aimé, en fait, la manière dont ils ont géré ça, tu vois. D'abord, on laisse faire le procès, il est condamné, on le vire, tu vois. J'ai trouvé que c'était propre, c'est bien. C'est bien de faire comme ça, vous attendez, vous laissez la place à la justice est passée, barre-toi. C'est très bien. J'aime beaucoup quand ça va dans ce sens-là. C'est pas, il y a quelqu'un qui m'a dit que barre-toi. Ah merde, en fait, il est innocent, c'est trop tard. J'ai bien aimé, je trouve que ça a été fait proprement. J'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais, pour une soirée, inviter la personne de ton choix, vivant, mort, peu importe, tu voudrais l'emmener manger où? Et tu voudrais parler de quoi avec cette personne? Une célébrité, évidemment. Ouais. Célébrité, bah, plus célébrité, parce que sinon après on va rentrer vraiment dans l'intime et tout, mais plus célébrité, vivant, mort, où c'est que tu l'emmènerais manger? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il mange avec toi? J'ai une première ébauche, mais je pense que je vais partir sur une autre réflexion. Mais j'aurais dit Fred Testo au flunch, mais je suis J'aurais pas été totalement déçu. convaincu. Je suis pas convaincu. Écoute, moi, Fred Testo est gros flunchy. Je trouve que ça peut le faire. Non, en vrai. Alors déjà, où manger? Parce que c'est important. Pour poser une bonne discussion. Quelqu'un que t'aimes bien, quelqu'un avec qui t'as envie de discuter, qu'est-ce que tu voudrais lui faire découvrir comme bouffe? Moi, j'adore les pokés, mais ça fait pas vraiment, tu vois, restaurant, un peu où on se pose, entrée, plat, dessert. On s'en bat les couilles. En vrai, moi, j'aime beaucoup les pokés, donc je vais dire poké. C'est quoi les pokés? Un poké, c'est un bol de riz où tu mets un peu des toppings, entre guillemets, où tu mets enfin, moi, en tout cas, je mets de la mangue, des crevettes, de l'avocat, du saumon... et c'est un plat hawaïen. Et, un truc de vegan, ça te pouvait pas dire une côte de bœuf comme tout le monde. Non, non, parce que tu peux mettre du poisson et tu peux mettre des crevettes et tu peux mettre de la. Mais en vrai, c'est hyper bon et c'est hyper protéiné et c'est très très. C'est vraiment super bon. Et qui en vrai j'emmènerais? Avant, il y a 3 ans, j'aurais dit Kevin Feige directement. Parce que c'est lui qui a créé. Mais là, vu ce qu'il fait là. Il me hype un peu moins. Et t'aurais pas plein de questions à lui poser, justement? Lui dire si. Kevin. Qu'est-ce que tu fais, gros? Peut-être Kevin Feige, ouais, justement pour savoir en fait comment est-ce qu'il agit, c'est quoi sa journée en fait, parce que nous on se dit bah on se lève, on fait ça, on va manger, on va parler à nos collègues ou pas, et après on rentre chez nous, on transporte en commun, tout ça. Mais lui, c'est quoi son quotidien? C'est je me lève, bon, du coup, alors on va tourner Moon Knight. Là, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. En plus, la pression qu'il doit avoir, ça doit être un truc de fou. En vrai, je vais même sortir de ce truc-là. Je vais même pas aller sur du Marvel. En vrai, je vais pas choisir Kevin Feige, je vais choisir Pete Docter. Je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. C'est actuellement le patron créatif de Pixar. Oui. Et lui, c'est lui qui a fait... Vice-versa, c'est lui qui a fait Soul, c'est lui qui a fait Monstres et compagnie. Il a fait les plus gros, Pixar. Et c'est vers lui que je me tournerai. Parce que lui, il a l'air vraiment humainement incroyable. Et d'une gentillesse folle. Et c'est un génie. Jusqu'à ce qu'il soit accusé de quelque chose. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas été. Sachant que même à Pixar, hein, il y a des mecs qui ont été virés parce que voilà. Mais lui, du coup, il est toujours là et j'aimerais bien lui... La même question qu'à Kevin Feige, soit Pete Docter, soit Kevin Feige, de « C'est quoi votre journée, en fait ?» Et « Donnez-moi de l'argent. » Aussi. Un peu. C'est bon, ils ont des millions, ils peuvent me faire croquer un peu. Bon. Je suis le seul mec en France qui fait des vidéos sur Pixar, hein, c'est bon. Manger des pokés. C'est quoi votre journée? T'aurais pas 100 balles. Oh non. T'étais à ça, gros. Non, je pense que ça serait ça. C'est bizarre, mais ce serait ça, je pense. Voilà. Bah c'est très chouette. C'est très chouette. Toi, du coup, bien, ça serait il quoi est là. Alors, moi, je crois que j'ai une réponse par histoire de fan de comics. Ah ouais? Ouais, parce que je pourrais changer... Pour plein de trucs. Et là, tu vois, dans quel mood je serais en ce moment? Putain, non, quand même, là, ouais. Bon, hormis les trips familiaux et tout, parce qu'on a dit qu'on mettait ça de côté. Ouais, on met célébrité. Parce que moi, j'aurais pu dire ma copine, et je vais manger au flunch. Encore une fois, le flunch, non, j'ai un problème avec le flunch. Parce que je connais bien Fred Testo. j'ai 50% gratuit chez Flunch, alors j'en profite. Je sais pas, en ce moment, vu que je suis très très branché sur ce qu'est en train de créer Geoff Jones dans l'industrie des comics, j'aimerais bien taper la discuter avec Geoff Jones, clairement, pour lui simplement savoir en fait d'où lui vient cette passion des super-héros et comment il réussit à mettre à chaque fois autant de petits bouts de lui-même qui parlent à un si grand nombre dans des créations comme celle-là. Vraiment. C'est vraiment un mec qui respire l'amour des super-héros. Vraiment. Je pense que c'est le scénariste qui aime le plus les super-héros. Vraiment. Et qui essaye vraiment de les façonner, de nous les présenter de la manière la plus... pas idéale, mais vraiment comme des œuvres d'art. Et même des œuvres qui, pour moi, comptent vraiment, qui sont importantes. Et où c'est que je l'emmènerai manger ? Certainement un petit, tu vois, à Saint-Étienne, on a un bon restaurant que j'aime beaucoup. Je vais y manger de temps en temps, qui s'appelle La Java Bleue. Et c'est très franchouillard. Comme j'aime, avec des rillettes chaudes, des bonnes charcuteries, mais en même temps des bons burgers, des bonnes viandes grillées, enfin voilà, tu vois, des trucs, un truc qui sent bon la France, tu vois, la France terroir, tu vois, le truc, j'adore la bouffe, qui, je trouve, nous représente bien, notre spécificité gastronomique et culturelle. Mon cher ami, oui. C'était un très grand plaisir de pouvoir discuter avec toi. Et j'étais vraiment content en fait de pouvoir t'inviter, parce que au-delà du fait en fait que c'est pas tellement en fait ton activité sur YouTube en fait qui m'a donné envie de pouvoir passer un peu de temps, tu vois, avec toi. Vraiment. C'est pas le fait, tu vois, que tu fasses des vidéos et tout ça et tout. C'est parce que tu es quelqu'un d'infiniment bienveillant, d'infiniment gentil, et tu vois, tu as des trucs tout bêtes, mais quand vous êtes parti la dernière fois à Paris et que tu as eu envie j'avais demandé à Anto machin d'acheter des Hulk, tout ça, et que tu te dises tiens, ça me fait plaisir, tu vois, d'en offrir un AG, c'est que dalle, tu vois, mais franchement, putain, le geste était vraiment totalement ouf, et ça m'a vraiment vraiment touché. Alors, c'est pas pour ça que je t'invite, mais si tu veux, ça, pour moi, ça dessine quand même beaucoup, beaucoup le personnage. Et un autre truc qui dessine vraiment, pour moi, bien le personnage, je parlais de toi la dernière fois avec Jules, où je sais que t'as fait une émission, en fait, chez lui, tu vois, pour faire le SNGL de mémoire. Et il me disait un truc qui est super vrai. Il me disait, c'est ouf, le mec a presque 100 000 abonnés. Et tu avais l'impression que c'était nous qui en avions 100 000 et que lui, en fait, il avait une petite chaîne. C'est-à-dire qu'il ne pète pas du tout plus haut que son cul, tu vois. Et c'est totalement vrai, tu vois. Tu es ultra... en fait, tu es toi-même, tu vois, et tu es une belle personne, gros, vraiment. Ouais, merci beaucoup. Et voilà. Et je suis vraiment ravi, tu vois, quand il nous est présenté et que toutes ces petites aventures youtubesques et tout me permettent en fait de croiser des personnes comme toi, où on n'est pas de la même génération, on a des histoires qui sont complètement différentes, on aime tous les deux les super-héros, mais on y est rentré par des billets qui sont finalement très très différents, et malgré toutes ces différences, on se ressemble énormément, et ça me fait très plaisir de savoir que tu vois, tu fais partie des gens que j'apprécie particulièrement. Voilà. Bah, merci beaucoup, ça me touche énormément. Mais en vrai, je pourrais te dire là exactement la même chose de toi, parce que en vrai, on se connaît pas depuis très longtemps. On se connaît depuis, je pense, peut-être 14 heures. je pense fin 2022, début 2023. Bah en vrai, on s'est vraiment fréquenté beaucoup plus quand on a fait les watch party Rocky, je pense. C'est vrai. C'est vrai qu'on a fait cette guerre. Oui. Avec Frédéric Diffenthal, tout ça, c'était fou. Oh c'était putain, incroyable. Tu feras un super Robin. Oui, tu avais dit, il fera un très bon Damian Wayne. Non, mais... Robin. Ah oui. Mais attends, c'est qui Damian Wayne? C'est un bon Robin. Un Robin, Damian Wayne? C'est un Robin. mais pour le coup, non, t'es vraiment une personne premier degré incroyable. Mais je pense qu'en vrai, les gens qui te suivent le savent déjà. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, les gens, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils te suivent. Non pas pour ce que tu peux faire, mais pour qui tu es, en fait. Parce qu'en vrai, il y a peut-être plein de gens aussi qui peuvent parler de Hulk, je ne sais pas, je ne me connais pas du tout dans les comics et tout. Mais bah, tu vois, c'est ça, c'est toi, tu justement, ce qui est très très bien, et c'est ton cas à toi, c'est aussi le cas de Jules et Nico, c'est le cas de la cave du Mills aussi, que j'aime beaucoup, je trouve incroyable et incroyable. Enfin, même Oz, même si Oz, je trouve qu'il a peut-être ce côté peut-être un peu plus, il va peut-être rentrer dans des termes peut-être un peu plus techniques, mais vous êtes, vous avez, ça se voit qu'en fait vous avez envie de transmettre votre passion. Et ce qui est bien, notamment avec toi, c'est que, et aussi du coup avec avec Mills aussi, c'est que vous parlez d'un sujet qui peut être très complexe et pas forcément du coup des big two. Maintenant j'ai le terme. Vous parlez de tout, mais vous évoquez ça avec des mots qu'on emploie dans la vie de tous les jours. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que du coup, ça nous met entre guillemets, même si moi j'ai jamais rien lu, ça me met entre guillemets à la même échelle que toi. Enfin, par rapport à toi, excuse-moi, mais toi, t'as toute une collection. Moi, la seule collection que j'ai, c'est des pop. Hein. C'est pas des. Et je peux te dire que les seuls trucs que t'as à l'air dessus, c'est le nom du personnage. Hein. Donc, Je sais que t'as lu plein de trucs. T'as notamment lu Les Éternels de Jack Kirby. C'est vrai. Mes comics sont là. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns là. Il n'y en a pas beaucoup qui ont lu des comics en entier de Jack Kirby. Ça a été très compliqué, hein, d'ailleurs. Et on vous voit. Didascalie. Ah ouais, c'est compliqué. Mais en tout cas, sache que t'es, et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, que t'es vraiment, bon, au-delà du très personnel, ma découverte de l'année 2023, parce que t'es gentil, comme tu l'as dit, t'es bienveillant, et qu'est-ce que t'es drôle. Mais vraiment, t'es hyper... Et c'est comme... on a bien le même humour de merde, quand même. Vraiment. Et c'est comme avec Eddie. Vous, alors encore une fois, je te connais pas personnellement, on s'est jamais vu dans la vraie vie ou quoi que ce soit, mais dans ce que tu véhicules et dans la manière dont, enfin, que la manière que tu, enfin, que tu as d'être toi-même dans la vidéo, en fait, t'es un peu, alors même si on se connaît pas beaucoup, t'es comme un exemple en fait, c'est-à-dire que je me dis, ce mec-là, il arrive à être sur YouTube, il lit des comics, il a un travail et il a une belle famille, une très belle famille, alors que je n'ai pas rencontré, mais qui a l'air d'être très, très, très, très, très belle. Et c'est la même chose avec Eddie. Et vraiment, c'est un goal que j'aimerais atteindre aujourd'hui. Alors, pas aujourd'hui, du coup, maintenant, parce que je ne me vois pas avoir des enfants maintenant non plus. Mais un jour, j'aimerais voilà, être aussi épanoui que vous sur tous ces aspects-là. Et vous êtes des exemples pour le coup. C'est que de la façade, c'est que du bluff, gros. En vrai, je suis une grosse merde. Mais c'est facile d'être une ordure. C'est d'être quelqu'un de bien qui est dur. Et on est tous à un moment donné une ordure. C'est obligé. C'est obligé. Sinon, la Terre ne serait pas ce qu'elle est. Allez, ce sera le mot de la fin. Mon lapin, c'était vraiment un sacré plaisir. Je te demanderai bien ton actualité, mais c'est un petit peu tous les jours ton actualité. Oui. Du coup, là, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais il y a des vidéos. Oh, week-end prochain. Ça marche. Week-end prochain, je vais faire ça relativement vite. Et puis voilà, mais vraiment un sacré plaisir. N'hésitez pas. Alors, je me doute que vous connaissez Landry. Voilà. Et si jamais vous ne le connaissez pas, eh ben, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne qui sera évidemment en description. À vous abonner, évidemment, eh ben, sur sa chaîne. J'en mettrai qu'une. Je sais qu'il y en a plusieurs. Oui. C'est aussi une chaîne Twitch. Enfin, c'est. Mais t'es pas obligé. C'est la World Company. C'est... Il veut conquérir le monde, d'accord. Mais allez voir. Et puis si vous allez voir, n'hésitez pas à lui laisser un petit mot en lui disant oui, je viens de la part du gros. Il m'a dit de passer de dire bonjour. Voilà, bon. Hein, plaisir d'offrir, joie de recevoir. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous le souhaitez. Si on peut y répondre, ce sera avec un grand plaisir. Et merci pour tout. Merci à toi. Merci, c'était trop, trop bien. Bah, c'est cool. Ouais. Si tu as passé un bon moment, c'est le principal. Et on vous dit à très bientôt dans les rubriques de G. Salut, bisous.